Allez, merci tout le monde de nous avoir écoutés. C'était la Playmix, 19h-20h sur Fun Radio. On se retrouve demain pour une autre Playmix. Vous avez envie que vos sons passent sur Fun Radio, vous m'envoyez un petit mail, sami@funradio.be. L'équipe de Mike est là en studio, comment bonsoir, ça va? Bonsoir Sami, bonsoir Niki, ça va bien tout le monde? Bah ça va, tranquille, est-ce qu'il pleut encore dehors ou pas? Oui, ouais. Je sais pas, non, il s'en pleut encore? Ouais, je pense encore un petit peu. Parce que quand Mike est arrivé tout à l'heure, il était trempé, quoi. C'était le. Ah non, je venais de faire du sport, j'ai dû courir 10 mètres. C'est vrai, en fait, ouais. Je suis pas très sportif. On est parti pour la libre antenne, il y a quoi de prévu ce soir? Ce soir, DJ Dadike sera avec nous pour nous parler de son concert. Ce sera le 16 mars au Palais 12, 30 ans de carrière. Tu te rends compte, le gars? Ouais. 30 ans de carrière. C'est ouf. C'est un truc de fou. Dadike sera là et il va venir avec une Niki Sanchez. Avec Niki Sanchez qui a Fun Radio. Elle reste dans l'émission jusqu'à 23h. Oui, mais elle est pas payée là par contre. Niki. On est parti, Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Encore une longue journée qui s'achève. Vous pensiez rentrer tranquillement chez vous? Vous pensiez passer une soirée calme et paisible? Yeah! Et si ce soir, tout changeait? Et si subitement, votre existence tout entière prenait un autre sens? Change your life. Et si vous recommenciez à vivre, à rigoler, à vous exprimer, vous amuser, vous défouler? Et si dès maintenant, l'avenir vous souriait? Yeah! Fini les soirées galères. Aujourd'hui, un vent de liberté souffle sur la Belgique. A space of freedom and no judgment. Freedom and no judgment. Vous ne serez plus jamais seul. It's a family. L'heure est venue de l'ouvrir. 02 851 4x0. Libertad. Mike. Le soir sur Fun Radio. Et on est là, bonsoir la Belgique, bienvenue tout le monde, quel plaisir, quel kiff de vous retrouver. On va passer encore la soirée ensemble sur Fun Radio. 20h01, on est là avec ma petite Lorenza en face de moi. Hello tout le monde. Ça va bien? Ouais, trop bien. T'as préparé tes petites chroniques, t'as préparé le Lorenza full bordel. Ouais, j'espère que ça va aller parce que je commence vraiment à, de plus en plus, tu vois, je subis la pression là. Bah oui, bah, c'est la pression sur ses épaules puisque l'avenir des couples qu'on teste sur Fun Radio, forcément c'est à cause de toi ou pas qu'ils sont brisés, ma petite carrément Lorenza. À cause de toi, tu vois. Si vous voulez faire un Lorenza full bordel, oui, je te mets tout sur la gueule, Lorenza. Vous vous inscrivez au 02 851 4x0. C'est Coco qui décroche ce soir. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ça va bien Coralie? Ouais, ça va. Qui est super stressée aujourd'hui. Je sais pas ce que t'as. Tu cours partout tout à l'heure. Bah ouais, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer. Ça demande du travail, une émission radio. On sait bien que toi tu ne fous rien. Mais c'est plus une légende. Merci, mais t'es pas obligé de le dire à tout le monde. J'ai l'impression que plus personne ne me respecte dans cette radio. Bon, Dadike sera avec nous tout à l'heure, les amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une question à lui poser, bah vous pouvez la balancer au standard ou sur le Facebook. Le Facebook, on rappelle ma petite Lorenza. Mike Fun Radio, ou bien un petit message au 3044. Vous dites, ouais, voilà, moi je kiffe trop Dadike, j'aimerais lui parler. On lui a prévu des belles surprises et comme il va venir avec Niki Sanchez, on fera un questionnaire couple ou pas couple. Pour en apprendre un petit peu sur. On va être dans le lit de Dadike ce soir, les amis, je vous le dis tout de suite. Bon, t'as passé une bonne journée à part ça, ma petite Lorenza? Bah, très pluvieux, mais ça va, mouillé, on va dire. Attends, mais moi, ma meuf est partie toute la journée. Oh. Et j'ai dû faire le ménage. Ça m'a pris au moins 2 heures sur ma vie. Je comprendrai jamais quel plaisir vous prenez, les filles, à passer la serpillière. Mais c'est pas vraiment un plaisir, c'est juste qu'on est obligé. Attends, vous faites tellement bien, c'est que vous aimez ça. Autant nous on adore les jeux vidéo, le foot, autant vous vous adorez l'aspirateur, la cuvette des chiottes. Ouais, je vois pas ce que vous trouvez. Ça fait de mal à personne. Il y a pas de soucis. Il y aura du son évidemment ce soir sur Fun. Cardi B arrive dans un instant. Je vous parlerai de la comète qui va frôler la Terre. Hier, je l'ai annoncé toute l'émission, je l'ai pas fait au final. Donc on en parlera. C'est le 10 septembre. Jack Jones arrive aussi. On vous attend la famille, venez retourner le pays avec nous. Et là on va prendre notre première auditrice de ce soir. C'est évidemment un auditeur, il s'appelle Romuald. Salut Romu. Oui, ça va? Bah ça oui, va, toi Romuald. Ouais, ça va. Bah bienvenue dans l'émission Romuald, t'as l'air tout bizarre. Il est impressionné je crois. T'es stressé, c'est ta première à la radio? Un peu stressé en fait. Mais c'est non. C'est la première fois que tu passes à la radio? Ouais. Ah, dépucelage radiophonique pour toi ce soir Romuald. Et tu voulais passer une dédicace alors mon pote? Bah, je sais pas, ouais. Bah vas-y. Bah en fait, j'aimerais devenir mannequin et je sais pas dans quelle agence que je voudrais être. Ok, bah écoute. Bah envoie-nous une photo de toi, je sais pas, on te dira, on mettra la photo sur le Facebook si tu veux. Ah vas-y, ouais, décris-toi physiquement, ouais, Romuald, comment tu es? Eh bah, j'ai les cheveux noirs et blonds, je mesure 1m74. 74, regarde, en Belgique. J'ai les yeux marrons, je suis mince.

Et bonne soirée sur Fun Radio, merci de nous avoir choisis. On se connecte sur le funradio.be pour nous voir en Funvision. On est là en direct. Et si vous disiez stop à la déprime? Stop. Mike, le soir, sur Fun Radio. Bah ouais, avec Lorenza. Ouais. Qui squatte le studio, qui se prépare, qui est tout excité par la venue de Daddy Kay. Voilà. Tu veux être gênante comme ça ou tu vas me foutre la honte, Lorenza? Je vais essayer de pas. Clair. Non, mais à mon avis, ça. Ouais. Il y a Coralie également qui décroche le numéro pour t'appeler Coco pour poser toutes les questions que vous voulez à Daddy. 02 851 4x0. Je sais pas si t'as vu en Écosse cette photo qui buzz. C'est dans l'actu aujourd'hui, ma petite Lorenza. Non. Une photo qui a été prise par une touriste anglaise. Okay. Elle a 12 ans et elle a pris cette photo au bord du lac du Loch Ness. Ah, ne me dis pas qu'on voit Nessie. Et sur cette photo, on voit une forme noire qui serait, selon les Écossais, une nouvelle preuve de l'existence du monstre du Loch Ness qui s'appelle Nessie. Et franchement, c'est impressionnant. On voit vraiment un truc. Je vais vous mettre la photo. J'ai pas l'impression que ce soit un montage. On va vous la mettre tout de suite sur le Facebook Mike sur Fun Radio. Allez voir. Moi aussi, au début, tu vois, je me dis non, c'est Suzanne Bolt qui nage un petit peu. Et non. En fait, allez voir, vous aurez la preuve. C'est sur le Facebook Mike sur Fun Radio. Okay. C'est encore un buzz avec un animal. Ouais. Donc, si je résume, pour faire un buzz, c'est mieux d'avoir un animal sur ta photo. Oui, oui. Dans ton buzz, ça va. Bon, eux, ils ont fait ça avec un gros poisson. Clara Morgan, à l'époque, elle avait montré sa chatte. Chacun fait selon ses moyens, tu vois. Jack Jones, c'est la suite. C'est dans 5 minutes sur Fun Radio. Le temps de récupérer Laetitia qui est là. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir Laetitia, toujours 20 ans, oui. Toujours à Charleroi. Oui, pas déménager, non. On va tout faire pour te sortir de là, ma chérie. Alors Laetitia, tu nous appelais, tu avais un coup de gueule contre ton mec. On t'écoute. Dis-nous tout. Oui, voilà. Bah en fait, ça fait 4 ans que je suis avec mon copain. Ouais. Et ici, il y a quelque chose qui a changé chez moi et il a rien remarqué. Donc il me dit que c'est. T'as changé de coupe de cheveux? Non, pas du tout. Ah, parce qu'on est les derniers à voir ça, nous les mecs. Ouais. Enfin, je sais pas, on ne voit pas. Non, on ne voyait rien. Vous ne voyez rien. Moi, j'ai ma petite idée parce qu'elle a dit ouais, tu te fais des films. Donc moi, j'ai ma petite idée sur ce qui se passe. Bah vas-y, dis-le. Je crois qu'elle a mon avis. Oui. Bon, je suis désolée en fait, de dire j'ai ça. Pris 8 kilos. Voilà, je pensais qu'elle avait grossi. Ah, t'as oui, pris 8 kilos. Depuis le mois de janvier et il a rien remarqué et il me dit que j'ai vraiment pas grossi, que je suis toujours la même. Alors je sais pas s'il ment ou alors. C'est une bonne question que tu poses là. Parce que si tu penses vraiment que nous, les mecs, on est du genre à mentir effrontément, les yeux dans les yeux, pour pas te dire la vérité, oh là là. Et bah tu as raison. Complètement raison, ma petite Lorenza. Oui, oui. Non, mais comme on l'a dit juste avant, entre guillemets, c'est possible. Parce que les mecs ne voient jamais rien, que ce soit le niveau vêtements, niveau coupe de cheveux, enfin un niveau. Donc en fait, s'ils t'aiment, je crois qu'ils te regardent avec les yeux de l'amour et que c'est possible. Non, mais, après, en même temps, 8 kilos, tu vois, s'ils le voient pas, désolé. Non, mais moi je pense qu'il dit la vérité. Quand il dit il voit rien, c'est juste qu'il voit plus ton visage en fait, vu que t'as. Non, mais je vais te dire ce que je pense vraiment. Et vous avez, Lorenza, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi. Ouais. Quand vous, les filles, vous grossissez un petit peu, quand vous avez raté votre coupe de cheveux, que vous nous demandez votre avis, vous savez que vous avez grossi, vous savez que la coupe, elle est complètement foirée. Et si jamais on le dit, vous passez toute votre haine et votre énervement sur nous. Quoi ? Ah ouais, j'ai grossi, bah vas-y, bah prends tes affaires, va voir ta pute. Bah c'est vrai ou pas ? C'est totalement vrai, c'est la base en fait. Coralie. Non, mais c'est parce que. Enfin, tu vous comprenez pas que nous on a besoin d'être rassurés un peu. Mort. Vous êtes des lâches, vous nous rassurez jamais les gars. Mais non, on n'est pas des lâches, on a juste envie de faire l'amour. C'est tout. Justement, alors. Et puis en plus, il y a ça, il y a aussi le fait qu'après vous êtes pas énervé, vous êtes de bonne humeur et vous acceptez de sortir les poubelles, de faire la vaisselle et tout. Voilà, oui, bien voilà sûr. Évidemment. On est bien là, on est pas mal sur un duo tubo chaud là. On va faire du frottage, hein. Alors. Du frottage, c'est-à-dire Ben pour que ce soit nous qu'on fasse les trucs à la place de nos mecs. Hein. Ah ouais, ouais. Ah bah ouais, oui, c'est de la manipulation, totalement, oui. Clairement. Non, mais moi je pense pas qu'il te mente, hein. Vraiment, je pense qu'il s'en est juste pas aperçu. Je hein. pense aussi. Je pense aussi. Ça, 8 kilos depuis janvier, c'est long quand même. C'est 1 kilo par mois, on va dire. Ça se remarque pas. Quand tu vis au quotidien avec, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et tout, donc à mon avis, il a pas remarqué. T'sais. Donc, non, ton mec est juste un mec banal. Un mec comme tous les autres. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée, ma chérie. J'espère qu'on t'a rassuré, hein. Y'a pas de soucis, oui, merci. Des gros bisous. Gros bisous, Laetitia. À bientôt, Laetitia. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Dans quelques instants, sur Fun Radio, on va retrouver Mamie Simone. Ah, elle est de nouveau là, j'espère qu'elle est même. Je crois qu'elle va continuer à essayer de se sociabiliser. Elle appelle des gens et elle essaye de se faire pote avec. Oh là là là là. On va la retrouver dans quelques instants, ma petite mamie d'amour. Et pour le son dance floor sur Fun Radio, voici Jack Jones. Daddy Kay est aussi notre invité ce soir. Vous avez une question à lui poser. 02 851 4x0. On est là jusqu'à 23h. If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. No more late night Ubers, but Ring ring. Hello, you there? Real talking got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talking got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring ring. Fucking with another. If you make it out alive, maybe you can make this right. Maybe you can make this right. Oh. Cause so many times I told you, the next time I'll be colder to you. To you. No more late night Ubers, baby. I'm not coming to your house. Are you crazy? You said you were home. But I saw on your story you out to the morning, not alone. So now you're gonna call, ring ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? You there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, hello. Are you there? You there? You there? Ring ring. Purple pickle. Pulling up, drop top, two seats. We in Vegas, ooh, I made it. Ooh, I made she it. Wanna take a picture with me cause I'm famous. Cause I'm famous. Count the money up, I know they hate it. They hate it. It was on one night, we never dated. Ooh. Made back in the back and we faded. And we faded. Stacking out the paper, we got paid. We got paid. And I'm straight. Straight. They gon' hate. They gon' hate. Hello, I'm pulling up, right at 8. Ring, ring. Bonne soirée sur Fun Radio. Venez comme vous êtes. 20h-23h, Mike, le soir sur Fun Radio. Et la soirée, on la passe ensemble jusqu'à 23h. Vous débarquez en direct. On rappelle le numéro, c'est 02-851-4x0. Que des délires le soir sur Fun. Et une petite info pour toi, ma petite Lorenza. Dis-moi. Dans l'actu, j'ai le nom pour toi de la plus belle femme du monde. C'est qui ? Elle vient d'être choisie par l'édition américaine du journal People. Ah oui, ouais. Julia Roberts. C'est vrai, c'est un classique. Ouais. 49 ans quand même, elle vient d'être désignée la plus belle femme du monde. Elle succède à Jennifer Aniston, l'actrice de Friends. Ah ouais, notamment, je vois bien. Ouais. Bah, elle est belle. Ouais, je préfère Julia Roberts à Jennifer Aniston. Ah, c'est plus vrai de qu'elle charme, est belle. Plus. Non, elle est vraiment belle, Julia Roberts. En plus, j'aime bien le concept qu'elle a fait de mettre des implants mammaires dans ses yeux au lieu de dans les seins. Et puis, c'est la première fois qu'un hamster est élu plus belle femme du monde. Donc, bravo à Julia Roberts. On est bisous, fière. Julia, bisous. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, mamie Simone ! Qu'est-ce que vous racontez comme bêtises ? En parlant d'hamster, ça va bien ma petite mamie ? Non, ça ne va pas. Vous dites que l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle, elle est plus belle femme du monde. C'est moi la plus belle femme du monde. Oui. Alors, en 1892, mamie Simone. Dites donc, je ne vous permets pas. Calmez-vous tout de suite. L'eau a coulé depuis. Oui. Bon, il y a Daddy K qui arrive tout à l'heure, mamie. Oh, Daddy K est là. C'est votre cam, mon ça ? Mon Daddy, comment vas-tu ? Non, il arrive tout à l'heure. Daddy, je t'embrasse alors. Bisous, à tout de suite. Je rappelle que mamie Simone souffre d'un petit Alzheimer et parfois ça s'entend plus ou moins. Il pourrait me dire bonjour au moins, Daddy. Oui, bah, oui, tout à l'heure, mamie, tout à l'heure. Bon, on m'a fait chier. Deux secondes, maman. Allez, on décolle, mamie. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, vous le savez pas. Michael Neuneu, celui-ci, c'est son émission, il sait pas. Faut toujours tout lui expliquer. Il sert vraiment à rien. Arrêtez de rigoler. La blonde, je ne peux plus la blairer, celle-ci. Vous ne m'avez jamais blairé, mamie. Oui, sentez-moi mauvais de la laine et on en reparle. Bon. Vous sociabilisez, c'est ça ? Oui, tout à fait. Écoutez, voilà, vous n'arrivez pas à me trouver un mec, donc moi j'ai besoin de... Hein, donc j'appelle, voilà, on va appeler quelqu'un. J'espère que mademoiselle Coralie a choisi un homme. Sinon, ça match passé, je vous préviens. Ah, vous vous calmez. Oui, bah vous aussi. Et on va appeler, je vais essayer de m'inviter pour. Voilà quoi. Ok. C'est l'impression qu'on est au top ce soir, on non est, je... On est pas mal, on est pas mal. Allez, on y va, ça sonne, mamie. Ah oui, ça sonne. Faut que ça décroche. Ouais, bah ouais. Alors. C'est long. Mais essayez que ce soit un truc concret, hein, de choper un truc. Oui, oui. Allô, comment vas-tu? C'est Viviane. Oui, comment vas-tu? Comme tu sembles loin, pour moi ça va et toi, c'est surtout à toi qu'on a demandé ça. Ça va, écoute, ça va mieux. On fait aller. Et quand est-ce qu'on te voit par ici? Eh ben écoute, je pensais passer peut-être dans le week-end. Ah bon, d'accord. Comment ça va pour toi pour le changement de situation avec Marcel? Bah écoute, c'est pas des plus faciles, mais on s'adapte. On s'adapte. Bah oui, bon. Il faut qu'on se débrouille, y a pas de problème. Oui, oui, mais bon, parce que tu comprends avec Marcel, voilà, je suis allé voir un petit peu ailleurs, quoi. Oui, oui, oui, oui, oui. Moi, je suis bien content de t'entendre, ça m'inquiétait. Je me dis comment elle se porte, vraiment. Bah, elle se porte bien, et dis donc, j'aurais voulu te dire quelque chose. Est-ce que tu es isolé, ah, là bon. Ce week-end, là. Oui. Est-ce que tu penses qu'on pourrait se voir que tous les deux? Pourquoi pas? Et bon, on pourrait passer un petit moment ensemble, quoi. Enfin, tu vois oui, ce que je veux dire. Il n'y a pas de problème, je suis libre. Les infirmières viennent le matin et le soir, autrement, c'est tout. Bon, est-ce que tu penses que tu seras vigoureusement prêt? Vigoureusement prêt. Je ne saurais pas dire ça. Ça dépendra de. À mon âge, il faut, comment dire. Des fois ça va, des fois ça ne va pas, mais enfin, j'en fais rien. Est-ce que tu veux que je ramène des petites pilules bleues? Des petites pilules bleues, oh là là. Non. Celle-là, non. Ça passe dans le cœur, ça, c'est pas bon comme médicament. Ah oui, je suis bête pour toi, dis donc. Bon, écoute, j'irai manuellement, alors. Non, pour moi, à ce moment-là, ça ne va plus. Pourquoi? Eh ben, parce que je n'ai plus jamais essayé. Oh, mais écoute, c'est pas grave. On va faire... T'en as envie, quand même. Ah, ça n'a pas... Ma libido est toujours là, oui. Ça va, ça va. Bon, alors, samedi, je viens vers 11h. Oui, ben ça va, il n'y a pas de problème. Bon, et bien content de te voir. Et ben moi aussi. Je te fais des gros bisous, poutou, en espérant que tu sois encore là samedi. À samedi, moi aussi des bisous. Lève-toi bien, merci, un gros bisou. Au revoir. Putain, mamie. Et voilà, j'ai emballé. Alors là, c'est de la grande mamie Simone. Oh, il y a Monsieur Kay qui est arrivé. Monsieur Daddy qui est... Monsieur Kay est là. Oh, monsieur, il ne m'a même pas regardé. Voilà. Ça va, c'est la famille. Ça commence mal cette histoire. Bonjour Daddy, tout le monde. Ça va, mon Daddy. Bonjour. Au revoir tout le monde. Ça tire. Bouge pas, Daddy Kay. Mamie Simone, à tout à l'heure. Oui, oui, bah, monsieur Kay m'a pas regardé. Je suis très triste. Et restez là. Vous allez poser votre question à Daddy Kay, d'accord? Oui, oui, mais j'ai autre on chose à faire. On lui met un casque bon. Et tout ça, il vous entend. Oui, ça va. Dépêchez-vous. Juste après MHD. Bonne soirée tout le monde. On est là en direct. Daddy Kay, notre invité. Vous avez une question? 02851 4x0. Ah oui. C'est la puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais raculé. Parle en français, parle en cash, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as toujours redève comme les bacs dans mon secteur. La puissance, gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. Je vous promets, tu m'attendais, calme-toi, j'arrive. 2018, on reprend les hostilités. Ils ont voulu me boycotter, j'en suis arrivé. Ce Dieu pourra m'en protéger. Le chemin est long, j'en compte plus d'amis que d'alliés. Je suis seul, j'ai besoin de personne. Mon pris pour moi. Enfin, s'il veut la guerre, il est en temps ou tard. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Et bonne soirée sur Fun Radio. On est là en direct, 20h25, merci de nous avoir choisis. Il y a Lorenza, il y a Coralie, notre invité ce soir, Daddy K, qui est pas venu tout seul, avec Nicky Sanchez, qu'on connaît bien, Fun, que vous retrouvez dans la pénis. Je ne la connais pas du tout, elle me suit depuis maintenant plus de 18 ans. Faut arrêter, madame. C'est du harcèlement, faut arrêter, là, faut arrêter, parce que là, je vais appeler la police. Hein. Le concert, c'est le 16 mars au Palais 12, Daddy. Yes. 30 ans de carrière. On en parle dans un instant. Wow. Ouais, bah, comme tu veux. Ouais. Ne bouge pas, ne bouge pas. Je bouge pas. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi, elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un bon de 50 euros chez Carrefour ou Décathlon sur l'avenir.net/bienvenue. Welcome to your garden of madness. Fun Radio présente la Garden of Madness de Tomorrowland avec Dimitri Vegas et Like Mike au Sport Palace d'Anvers. 4 jours de folie, les vendredis 14, samedi 15, vendredi 21 et samedi 22 décembre. Tickets et infos via livenation.be. Garden of Madness avec Dimitri Vegas et Like Mike. Retrouvez la magie de Tomorrowland au Sport Palace d'Anvers. Jeudi sur Plug RTL, nouvelle série d'autant délicatesse. You're the worst. Salut toi. Vous êtes pas mal. Merci. Jimmy et Gretchen, deux jeunes célibataires cyniques et pas vraiment distingués, trouvent l'amour bien malgré eux. Tu ne comptes pas le revoir? Certainement pas. Du coup, j'ai volé ça. Oh, excellent. You're the worst. Les deux premiers épisodes, jeudi à 21h55 sur Plug RTL. Plug RTL. Fun Radio. Is my radio. Hey, tá tudo bem, tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem. Bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Y'en a qui s'attend et qui part nu montagne France en premier. J'suis avec ma go enfouraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Você me mata. É vrai que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem. Mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. La concurrence est affolée. Je suis à la radio, je suis à la télé. Dans le carré, vie pour RDV. En train de tout casser. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Assim você me mata. jusqu'à 23h sur Fun Radio. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. I'll be here for you when your heart breaks, when you lose faith, your promise. I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready. Bonne soirée la famille, merci d'être branché sur Fun Radio. On est là dans toute la Belgique jusqu'à 23. Venez comme vous êtes, 20h-23h, Mike, le soir sur Fun Radio. Avec Lorenza, avec Coralie, Dadike et Nicky Sanchez sont nos invités ce soir. Bienvenue les amis. Bah Nicky, t'es là depuis tout à l'heure. Je suis là depuis tout à l'heure. C'est la Phoenix de 19h à 20h. Elle habite ici, elle dort en dessous de la table en fait. C'est la maison en fait. C'est exactement ça. Vous avez des questions à leur poser, 02 851 4x0. Le Facebook c'est Mike sur Fun Radio. On va prendre les coups de fil dans quelques instants. Auparavant, mon daddy, tu connais même Simone. Ouais. C'est une doyenne, c'est la doyenne de Fun Radio. Elle, il me connaît. Je suis un grand fan. Oh, je vous aime, monsieur Kay, je vous aime. Vous vous rappelez à l'époque, même Simone. Si la blonde parle, on va pas comprendre. Mamie Simone avait une question à te poser. Elle était très, très, très fâchée parce que je lui avais pas donné la parole tout à l'heure. Okay. Oui, oui, alors, oui. Alors allez-y, ma petite mamie. Je t'écoute. Monsieur Kay, je sais que le 16 mars, vous faites le plus grand concert de votre vie. Oui. Et vous allez inviter beaucoup de monde. Oui. J'aimerais beaucoup que vous m'invitiez venir sur scène pour que je chante. Ah, mais sur scène, carrément. C'était obligé, j'ai envie de dire. Vous étiez dans la liste des invités. Hein, ça, c'est... Ah oui. J'allais justement vous appeler pour ça. Ah bah écoutez, c'était avec grand plaisir, mais faites attention à ce que vous dites parce que tout est enregistré et maintenant vous allez devoir dans la merde pour assumer. Et sinon... Non, mais je vais assumer jusqu'au bout. Elle a pas une question sérieuse sinon, mamie? Si, j'ai une question très sérieuse. Dites-moi, là, mademoiselle Nikki, bon, c'est bien, elle fait très bien son boulot ici à Fun Radio, mais comment a-t-il moyen de la mettre de côté pour que vous et moi fassions notre vie ensemble? C'est vrai que mamie Simone est une éternelle. On peut toujours s'arranger, hein, ça, c'est pas un problème. On est un groupe, on est un couple très ouvert. Oui, voilà. Très ouvert. Hein, donc, écoutez, si on vous aime le partage. Voilà. Et si vous voulez qu'on partage à plusieurs, il n'y a pas de souci. En plus, si ça reste dans la radio, pourquoi pas? Faut faire le ménage avant de l'utiliser, par contre, mamie Simone, je te le dis. Vous dites que je vous permets pas, vous. Bon, mamie, c'est tout ? Oui, oui, oui, je vais y aller, vous m'énervez. Ouais, bah tout ça pour ça. Merci beaucoup. Allez, ça valait le coup de. Bisous. De prendre de 20 minutes pour votre question, mamie Simone. Daddy, est-ce que tu peux nous parler de ce concert le 16 mars, Palais 12, 30 ans de carrière ? C'est, voilà, c'est l'aboutissement. Ouais, bah, c'est une belle consécration après toutes ces années de parcourir toute la Belgique, les quatre coins de la Belgique, aussi les quatre coins de la planète, puisque j'ai cette chance de m'exporter. On s'était dit pour les 30 ans de carrière, pourquoi pas faire un énorme événement. Et c'est vrai que le Palais 12, c'est quand même. Une grande salle, une des plus grandes en tout cas du côté de la Wallonie, de la Belgique francophone. C'est quoi la capacité de la salle ? C'est plus de 15 000 personnes, je pense. Ouais, donc ouais. C'est vraiment un gros gros truc. Et on s'est dit, mais alors on va faire un show vraiment à la hauteur de la salle. Donc on veut vraiment venir avec quelque chose qui n'a jamais été fait en Belgique, en tout cas pour un DJ. Déjà, j'ai cette chance d'être le premier DJ à faire le Palais 12 en tant que artiste, donc c'est une vraie première, c'est historique. Et donc la deuxième, c'est que on s'est dit on veut vraiment marquer le coup, donc il y a une grosse production derrière. Les gens avec qui je bosse, Back in the Days et L'Ombre du Sourire, qui produisent notamment les concerts de Big Flo et Oli, NTM, Jean-Jas Caballero, Damso, Romeo Elvis. Donc c'est vraiment c'est des gars qui sont en place, qui savent ce qu'ils font, et c'est des vrais pros. Et c'est eux qui ont fait la démarche justement de me proposer ce gros concert. Et donc on va mettre vraiment le paquet avec des écrans géants, des bouts de DJ qui voleront dessus, des gens, un truc de fou, un peu le cirque du soleil musical. Ah, c'est un vrai show. un moment, je vais faire des jongleries. Comme vous ne l'avez jamais vu, ce sera le 16 mars. Pensez prendre vos places parce qu'à mon avis, ça. Et il y aura pas mal de friends, bien entendu. Je ne peux pas encore dire tous les noms, mais ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux sont au courant que je côtoie souvent les deux frères, pour pas les nommer, hein, Big Flo et Yoli. Bah voilà, c'est bon, c'est annoncé. Non, il n'y a rien d'annoncé. Ça, c'est toi qui l'annonce. Tu vois. J'ai posté hier une photo avec Beyoncé. Bah, on ne sait jamais. Hein, D'ailleurs, à propos de Beyoncé, j'ai une énorme surprise pour toi. C'est vrai, Daddy K. J'ai une énorme surprise. Tu sais qu'on a des contacts ici à Fun Radio, on a le bras long. Ah, je sais. Ce sera tout à l'heure. On va faire ça tout à l'heure. Mais franchement. C'est une énorme surprise. Ok, cool. Reste bien là. Je veux pas te survendre le truc, Lorenza, toi qui. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Vas-y, pose ta question, ma petite Lorenza. Moi, je voulais savoir, donc, t'as parlé qu'il allait y avoir plein d'artistes et tout. Mm-hmm. Est-ce qu'il va y avoir, j'imagine, des surprises ? Bien sûr. Et est-ce que tu peux donner un petit indice ou un petit... Et me faire rêver les auditeurs pour les surprises. Bah, comme je l'ai expliqué, il y aura plein de surprises. En fait, on va pas énoncer les artistes au fur et à mesure. On va faire des sous-entendus. Après, ceux qui comprendront. Comme Big Flo et Oli ou comme Stromae. J'étais son DJ pendant quelques temps quand je faisais des soirées dans les quatre coins de la Belgique. Parfois, je faisais DJ pour lui, tu vois. Donc après, je ne dis pas qu'il sera là, mais je ne dis pas qu'il sera pas là non plus. C'est en négociation, quoi. Ça se négocie. Je dis pas qu'il sera là. Il n'y a pas de négociation, mais il faut vraiment se mettre dans l'idée que c'est un truc une fois dans ta vie, donc il faut vraiment marquer le coup. Et après toutes ces années à soutenir tous ces artistes que j'ai vu grandir, je peux même parler de Soprano aussi, tu vois. Je peux même parler de MC Solar. Attention, t'es en train de dévoiler tout le tracking là, du truc là. Non, mais je veux dire, c'est des gens avec qui on a toujours été proches, avec qui on a gardé vraiment des bons contacts et on est devenus des amis même. Donc c'est pas impossible qu'ils soient là. Après, ça dépend aussi le planning de chacun. En tout cas, on fera tout. Mais sûr, il y aura Stromae et Big Flo et Oli. C'est sûr. C'est ce que tu nous dis ce soir. Mais ça, c'est toi qui le dis. Par contre, Beyoncé, c'est sûr. Ça, elle vient m'appeler. Elle viendra avec Rihanna. Donc, Et Nicky, tu vas mixer un petit peu. Tu vas faire une apparition aussi sur scène. Ce soir-là, non, vraiment. C'est lui. C'est Daddy la star. Voilà, c'est Daddy la star. Et ça sera concentré sur lui et ses friends. Il y aura Amy Simone, c'est ça ? Amy Simone sera là. Elle est confirmée. Aussi. Vous débarquez pour poser vos questions à Daddy K et Nicky Sanchez qui sont nos invités au 02851 4x0. Allô, allô. Allô. Allô. C'est qui ? Oui, bonjour. Ça va, Stella ? Nisrine. Ah, Nisrine, ça n'a rien à voir. Bravo, la communication. Nisrine, ça va bien ? T'avais une question pour Daddy K ? Oui, en fait. Attends. Ne bouge pas, tu vas la poser dans un instant, d'accord ? Ah ok, pas de soucis. On s'écoute tranquille, Dimitri Vegas et Like Mike avec Wiz Khalifa. On vient juste après sur Fun Radio. Daddy K et Nicky Sanchez sont nos invités. On est là jusqu'à 23. It's true if you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff when I grow up. Hear my music through the speakers. I wanna feel love when I grow up. I wanna have enough to pay the bills and buy my mama a house upon the hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. And I'ma always give my all, yeah. Haters talking down and wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I made the guards, yeah. To slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing now. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff when I grow up. Hear my music through the speakers. I wanna feel love when I grow up. Bonne soirée sur Fun Radio. Vos soirées ne seront plus jamais les mêmes. Oh yeah. Mike, le soir sur Fun Radio. Et merci de nous avoir choisis les amis. On est en direct sur Fun Radio, il est 20h42, différent de tout ce qui se passe à la même heure sur la bande FM. Daddy K est avec nous ce soir avec Nicky Sanchez. Tout à l'heure on vous fera un petit questionnaire couple. Ouais, être dans ton lit, Daddy K, ce soir. Ouais. Je, à tous les je confirme, Nicky a une chaise. Hein. Oh, ah, la bête vanne. Je sais qu'elle déteste quand je fais ça, mais là, elle a une chaise. Sévan, t'es gentil, tu l'es fait sur la radio de fin ici. Oh, c'est gentil ça. Ça, c'est gentil. On les embrasse. Il y a des SMS qui arrivent pour toi au 3044. Salut Daddy, ça fait plaisir de t'écouter. Quelle est ta plus belle collaboration? Il y a des personnes, mais ta plus belle collaboration, on nous demande. Collaboration en tant que quoi, producteur, en tant que mixé avec quelqu'un sur scène, ça dépend, ouais, un petit peu, tu vois. Donc bah écoute, j'ai eu la chance de bosser avec avec pas mal d'artistes, de faire leur première partie comme Drake, Rihanna, Bruno Mars, Robbie Williams. Donc le choix est difficile. Donc le choix, c'est pas qu'il est difficile, c'est pas non plus une vraie collaboration. Après oui, ils m'ont demandé via maison de disque ou via management de faire leur première partie. Donc c'est que quelque part ils reconnaissent mon travail et ça me touche beaucoup. Et ouais, après j'ai beaucoup aimé faire celui-là de Rihanna trois fois déjà. J'ai fait trois fois l'avant-première du concert de Rihanna. Robbie Williams, j'ai une superbe anecdote avec lui parce que je l'avais rencontré à l'époque où je chantais Voulez-vous coucher avec moi, donc il y a quelques années quand même déjà, où j'avais encore des abdos et tout. Et c'était à Jacques Martin et il était là avec les Tech Dates et il était vraiment fan du fait que je faisais du breakdance et tout ça. C'était un ancien b-boy aussi. Et quand je l'ai revu donc au stade Roi Baudouin, quand j'ai fait sa première partie, il s'en est rappelé. Donc il s'est dit, ah mais ouais, mais t'étais le gars, putain. Et c'était vraiment une chouette anecdote. Et en montant sur scène, il avait sa tasse de thé, il m'a fait tu vois, un santé comme ça de loin. Je me suis dit, ah, Robbie la famille. J'ai fait Robbie la famille. Il sera là d'ailleurs au Palais 12, évidemment. Je n'ai pas dit ça, c'est toi qui le dis. Stromae, Big Flo Lee, Robbie Williams. Ils vont tous chanter ensemble. We are the world. D'ailleurs, ce soir, Daddy, il vient de nous l'annoncer à l'antenne. Il met en jeu les deux fois. On offre deux fois deux places pour aller le voir au Palais 12. Ouais, ouais, wow. Voilà. Et voilà. Les amis, c'est les toutes premières et places que vous pouvez gagner à la radio. Vous êtes les premiers à avoir les merci places pour cet honneur, Daddy. Oh, ouais, et pour cool. ceux qui veulent se procurer, c'est ce qu'on avait demandé parce qu'on nous demandait au 3044 comment qu'on peut faire pour choper les places. Est-ce que c'est déjà disponible? Vous écoutez Fun Radio. Toutes les places seront distribuées sur Fun Radio uniquement. 15 000 places. Donc, non, vous allez tout simplement sur le site du Palais 12. Et puis, vous verrez, il y a des banners. Il y a le concert de. C'est très drôle de se retrouver entre le concert de Nicki Minaj, de 50 Cent, de Damso, de Indochine. Et puis, on voit ma tête à un moment. J'ai pas l'habitude. C'est la concentration, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait une erreur sur le site. Ah non, c'est bon. Donc, sur le site du Palais 12, de toute façon, on va vous mettre tous les liens sur le Facebook, mec, sur Fun Radio. Et dépêchez-vous parce qu'à mon avis, ça va partir vite. J'espère. Trop vite, on a 6 mois quand même encore. Hein, donc. Nisrine est là pour toi, Daddy. Nisrine. Bonjour. Bonjour Nisrine. Bonjour tout le monde. T'appelles de quel endroit en Belgique, Nisrine? Bruxelles. Ah, Bruxelles, très cool. Bien. Tu connais ouais. Daddy Kay, tu le suis? Oui, tout à fait. Merci, hein, Nisrine. Il est là pour toi, il t'écoute. Ben écoute, en fait, j'avais une question parce que je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, que ce soit au cinéma avec son fils ou alors au magasin, mais elle j'ai jamais suit, vraiment. Pardon? Non, je disais que tu le suivais. Ah oui, oui, il m'a pensé que. Non, mais voilà, donc je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, mais j'ai jamais osé l'aborder parce que voilà, je me suis dit voilà, il est avec sa famille. Mais ma question donc est-ce qu'à un moment dans ta vie, ça t'a pas énervé un peu d'être connu? T'en avais pas marre que les gens te reconnaissent en rue ou quoi que ce soit, oui? Non, pas du tout. Je pense que ça fait partie du boulot, quoi. Donc, je veux dire, après, je trouve que quand on est artiste, on a envie d'être reconnu par les gens, en tout cas au niveau artistique. Donc, c'est vrai qu'après, s'il y a un peu de célébrité autour, ben, ça fait partie du jeu. Moi, je refuse ouais. jamais aucune photo, je refuse jamais aucun autographe ou je prends toujours. Ah, ben, c'est noté, ça. Oui, tu peux le noter. Donc, t'auras dû aller le voir. Pas à venir la prochaine fois, avec grand plaisir, on fera autant de photos. Et si elle est ratée, on la refait. Écoute, c'est vraiment cool, quoi. Je pense que si tu le prends comme ça, je veux dire, les choses se font normalement, tu vois. Ça fait partie de. Tu commandes ton plat, t'es en train de bouffer, puis il y a quelqu'un qui veut faire une photo. Ben, t'es avec le poulet soucis, dans quoi. Tes dents, tu fais la photo. Ce qu'on va faire, Nisrine, normal, vu quoi. Que t'as pas osé aller voir Daddy Kay, on va te filer hors antenne son adresse. Tu vas pouvoir aller frapper à sa porte ce soir. elle a déjà l'adresse. Je pense qu'elle doit savoir. Mais c'était ta question, Nisrine? Oui, tout à fait. Viendras-tu le 16 mars? Moi aussi, j'ai une question, Nisrine. Viendras-tu le 16 mars au Palais 12? Ah ben, j'ai entendu qu'il y a des places à gagner, donc... tu veux gratter. Mais au cas où, si tu ne gagnerais ouais, pas. Voilà. Au cas où, hein. Ah ben, ouais, grand plaisir. Ouais. Ah, c'est gentil. Ben, on compte sur toi. Je te fais des gros bisous, Nisrine. Gros bisous, Nisrine. Oui, gros bisous, Nisrine. À vous aussi, au revoir. Merci de nous avoir appelés, salut. 02-851-4x0 pour poser votre question, 30-44 sur les SMS. Il fait chaud. Est-ce qu'on peut mettre la clim pour dédiquer, ouais. s'il vous plaît? Merci Gaston. Ouais, parce que je viens de la salle de sport là. Il y a Valentin qui est là pour toi. Ouais. Salut Valentin. Hello tout le monde, hello Dédi. Salut Valentin. Ça va bien Valentin? Ouais, très bien, et vous? Bah ouais, tranquillement. La journée s'est bien passée. Ouais, nickel. Tu es fan de Daddy Kay? En beauté. Bah ouais, t'es fan de Daddy Kay, tu l'as au téléphone. Voilà, exactement. Alors bah vas-y. Merci Valentin. Bah moi, vu qu'on parle beaucoup du 16 mars et au Palais 12 et tout ça, je me demandais. S'il y avait pas, on sait qu'il va y avoir des invités. Je me demandais s'il y avait pas de moyen de lâcher un petit nom. Bah, il l'a dit tout à l'heure. Ouais. Ouais, il l'a dit. Mais tout j'ai tout pas écouté. J'avoue, j'ai pas écouté. Il fallait écouter. Salut Valentin. Il a fait des sous-entendus. Il nous a rien confirmé. Écoute, sur les 6 mois de promo qui vont arriver, il y aura pas mal de noms qui vont sortir évidemment. Comme je l'ai dit, je suis assez proche de pas mal d'artistes et pour ceux qui me suivent, si tu me suis un petit peu, t'es peut-être un petit peu au courant via mes Instagram et tout ça, donc mes réseaux sociaux. Et il y aura en tout cas du très lourd, ça je peux le garantir. Après, je sais pas à qui tu t'attends aussi, donc je ne sais pas. T'aimerais bien voir qui toi sur qui scène? Ben franchement, tant qu'il est là, moi je dis je viendrai. Ça c'est un vrai fan. C'est trop mignon. Donc, voilà. C'est super gentil. C'est j'ai presque envie de te dire je t'offre deux places, mais non. Je suis sûr que le show sera exceptionnel et je te souhaite vraiment que du bonheur et de profiter de ce moment. Merci beaucoup Valentin. Merci vraiment du fond du cœur. Voilà Valentin, merci à toi mon pote de nous avoir appelé. Ouais, merci à vous, merci. Gros bisous à vous. Valentin. Raccroche pas Valentin. 02 851 4x0. Dans quelques instants les amis, on va vous mettre en opposition. On va voir qui de Nicky ou de Daddy qui a la meilleure culture musicale. Un petit blind test. Ok. De caler dans quelques instants. Et puis Daddy, on a aussi des surprises à déguster. Je ne t'en dis pas plus. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Tous les matins, réveillez-vous avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Demain matin, gagnez 9000 euros cash en envoyant dès maintenant Bruno par SMS au 6322. 1 euro le message. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. Maman, tu sais, chez Disneyland Paris, eh ben, ils font les jours du oui. Ah oui? Alors, on se demandait si t'allais dire oui, hein? Oui. T'es sûre? Oui, oui. Non, parce que parfois, tu dis oui et... Oui, O-U-I. T'es sérieuse, là? Oui. Ouais, oui. Trop stylé. Allez, maman, on se dépêche. C'est le moment de leur dire oui, oui, à Disneyland Paris. Réservez avant le 10 octobre pour bénéficier de la meilleure offre Halloween et Noël, jusqu'à 35% de réduction sur votre séjour. En plus, c'est offert pour les moins de 12 ans. Réservez en agence de voyage ou sur disneylandparis.com. La DH vous présente en exclusivité la collection Buste Star Wars. Pour la première fois en collection, les bustes de la saga mythique. Le numéro 1, Dark Vador, 3,99€. Actuellement en librairie. Une collection présentée par la DH. Fun Radio. Selling half of my soul to feel your love. I gave all my faith to someone whose body is all that I know. Lately I feel like I've been feeling something you don't, so help me out. I pull you in closer, but I know that I should be letting you go. I mess with it, I mess without it. I go down either way. Endless shots and countless hours, I wonder about your play. It's only 16 steps from your door to your bed. I should know better with your body next to mine. Can't help myself, help myself. It's only 16 steps from your door to your bed. I should know better with your body next to mine. Can't help myself, help myself. Take me in slowly, hold me down and swallow your words, spit me out. I wanna believe in something that's different from what I've been told. Take all my doubts so I can really be with you now. Let my body really believe in something that's different than letting you go. I mess with it, I mess without it. It's only 16 steps from your door to your bed. I should know better with your body next to mine. Can't help myself, help myself. It's only 16 steps from your door to your bed. I should know better with your body next to mine. Can't help myself, help myself. Without it, I go down either way. Endless shots and countless hours, I wonder about your place. It's only 16 steps from your door to your bed. I should know better with your body next to mine. Ils auraient pu éradiquer la famine, sauver les animaux, ramener la paix dans le monde. Non, je déconne. Ils auraient pu... Enfin, bah voilà, quoi. Hein, je vais y aller, moi. Mike, le soir sur Fun Radio. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, hate, hate, but we won't change, change anything at all. Oh, we gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They think we just dropped out, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. They say we're too savage. Yeah, no, no, we don't give up anymore. Et on est là, il est 20h57 sur Fun Radio. On est en direct, merci de nous avoir choisis. Il y a Lorenza, il y a Coralie, Dadike et Nicky Sanchez sont nos invités ce soir pour entre autres parler du concert du 16 mars. Ça arrive. Ce sera le 16 mars le concert, les 30 ans de carrière. Franchement, Dadi, est-ce que en commençant, tu te disais je vais arriver à 30 ans de carrière, je vais faire mon concert au Palais 12 pour fêter ça? Jamais. Mais écoute, chaque année, je suis surpris à me voir déjà continuer déjà et à séduire cette nouvelle génération de public et puis aussi à continuer à vivre de ma passion. C'est quand même juste incroyable, on n'y croirait jamais. En plus, dans la musique urbaine, tu sais très bien que c'est pas évident. Ouais. Donc jamais quand tu commences un jour dans ta chambre, tu te dis un jour je ferai le Palais 12. Ouais, t'en as vu passer en plus. Parce que déjà, il n'existait pas le Palais 12 à l'époque, donc j'y pensais pas. Donc c'est vraiment une belle consécration et j'espère qu'il y aura encore des belles choses après, quoi. Ouais, tu t'arrêteras jamais de toute façon, Dadi. Inch'Allah, comme on dit. 02-851-4x0-30-44 pour balancer vos SMS. On va récupérer quelqu'un dans quelques instants. Auparavant, j'aimerais tester et vérifier lequel d'entre vous, qui de Nicky ou de Dadike. Nicky est la meilleure culture musicale. Faut savoir que c'est elle qui fait mes mix depuis 30 ans. Hein, donc, comme ça, vous le savez. On a la vérité, enfin. Les voiles se lèvent. Voilà, le 16 mars, il va. Le 16 mars, moi je fais semblant, elle sera derrière un rideau en train de mixer. Là. Comme on fait à chaque fois, quoi. Alors, attention, on va jouer au blind test pour un précoce. C'est comme un blind test, mais les extraits sont très très courts. Ils font 3 à 4 secondes. Ok. Vous me donnez ou le titre ou le nom de l'artiste. Okay. Ok, on y va. Bon, normalement, Dadi, c'est jouable. Nicky aussi. Cardi B, Finesse, Bruno Mars. Oui, Bruno Mars. C'est pour Dani. Donnez votre prénom pour répondre, sinon ça va pas le faire. 1-0 pour Dani, qui est attention, extrait numéro 2, vous essayez de trouver chez vous c'est à la maison. C'est pas notre date de naissance, notre date de naissance. Oui, Alain de Process, on vient de... Je trouve que c'est Bruno Mars. Voilà. C'est pas plus. Sur ce temps-là. Extrait numéro 2. Calvin Harris. Non. Tiesto. Merci, j'ai eu peur quand même. Avec Post Malone, Jackie Chan. Bah, j'écoute pas ça, moi. J'écoute pas. Non, moi, j'écoute que du rire, moi. Un partout. Attention. Oh, The Weeknd. C'est bon pour dédiquer. Ça fait deux. Ça fait trois par cette chanson. Non. Ça aurait pu être une chanson pour Michael, je trouve. Non, bah, vaut mieux pas savoir. C'est trop coquin. Oui, c'est. Vas-y, dis-nous, Nikki. C'est coquin, cette chanson. Mais c'est méga coquin. Mais ça parle de quoi? I feel it coming. Ah, il vient d'arriver en fait. Oui, voilà, elle vient d'arriver à la maison. Petit cours d'anglais en direct. Voilà. Attention, celui-là c'est cadeau, c'est donné. Diska. T'as dit avant. Ouais, mais. Niquer une réclamation peut-être. Hey, j'ai vu un très beau reportage sur Niska sur TF1. C'est vraiment une belle personne, hein. Vraiment. Ah ouais, il est super humble, super simple. Il habite toujours dans sa cité et tout. C'est vraiment un bon gars. Il habite toujours chez ses parents et tout. Vraiment, il a ouvert un petit snack avec l'argent qu'il a gagné et tout. Dans sa cité, c'est vraiment respect quoi. Comme Faudel, sauf que lui, il a fait après sa carrière. Il sera peut-être là le 16 mars d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Allez. Hein, je ne dis rien. Alors attends, ça nous fait du 3-1. Vendra des burgers. Du 3-1 pour Dadiké. Attention. Moi, je suis dans mon Valentine's, les gars. Vas-y. Attention. On est tout avec toi. Dadjou. Dadjou. C'est bon pour Niki. Voilà. Dadjou. Un gars comme toi, mais pas toi. Non, c'est Bob Marley, putain. Ça fait du 3-2. Attention, on en fait un petit dernier. Comme dirait Georges, ça va de Joule. Non. Je sais pas moi, ça sonne comme Jules. Sans déconner. Ça sonne comme Jules, ça? Bah ouais, une guitare, Kenji Girac. Merci Niki. On l'a dit en même temps, ouais. Jules, Kenji Girac, moi, même combat. Moi j'aime bien Kenji Girac en plus. Il y a un nouvel album qui est sorti en plus. Bon, bah ça fait. Ah, ça fait DJ match Snake. Nul. Ça fait match nul, on est obligé d'en faire un autre. Non, DJ Snake. Mais non, c'était fini. Ah oui, c'était pas un extrait, c'était ma musique des gagnants. Voilà, non, je m'en fous, c'est DJ Snake 4-0. Vas-y, un dernier, attention. Avec, tu me diras après s'il sera au Palais 12 ou pas. Quand j'essaie de me lever, j'entends. Oui, Kings. Oh, je l'ai dit avant. C'était pour Niki. Ah, voilà. Niki l'a dit avant. Eh ben, du coup, je vous dirai pas s'il sera là le 16. Voilà. Victoire de Niki Sanchez, voilà, qui a donc plus de culture musicale que David. Vous comme ça. Okay. En plus, c'est pas la chanson de Gims, hein. Mais c'est pas grave. C'est la chanson de l'autre, là. C'est sur l'album. Oui, mais non, mais je suis pas d'accord. Oui, mais les gens... C'est discutable. Le jeu qui veut pas perdre. J'irai pas jusqu'à dire que t'es mauvais joueur, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a du monde pour toi au standard, Daddy. Allo. Ah, après, Coralie. Bon, bah, appelle-le tout de suite et puis on va récupérer juste après Sophia Rias si vous avez des questions à poser à Daddy, qui est 02-851 4x0. On nous demandait tout à l'heure sur les SMS, c'était Christopher qui nous disait pourquoi n'as-tu pas fait de feat avec des gros noms comme David Guetta ou Avicii. Paix à lui. Ben parce que personnellement ça m'intéresse pas. Je suis un DJ qui joue la musique qui existe déjà. J'ai produit le premier hit de rap français qui était Mais vous êtes fous, oui, avec Benny. Ouais. Donc je pense que on a écrit l'histoire avec ça et j'avais pas besoin. Premier de... disque d'or. Ouais, premier disque d'or de l'histoire du rap français. Donc voilà, je pense que j'ai fait mon temps au niveau production. La production, moi je trouve qu'aujourd'hui on confond trop les DJ avec producteurs et c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que par exemple. C'est devenu un seul et même métier, ouais. Voilà, à Tomorrowland, c'est beaucoup des producteurs qui se prétendent DJ. Mais en fait, moi je me prétends pas producteur, je me prétends juste DJ qui joue de la musique connue peut-être, qui joue peut-être pas ses propres sons, mais qui à l'origine reste quand même la valeur de base du DJ, quoi. C'est garder les bases, ouais. C'est de jouer les disques des autres, tu vois, donc et c'est pour ça que bah, après tous ces featuring, et je le sais parce que encore dernièrement je sais comment ça se passe, il y a eu le Jason Derulo avec Willy William et David Guetta et Nicki Minaj, je suis très proche de tous ces gens et je sais comment ça se passe, et ça se passe que en donnant beaucoup d'argent sur la table, et c'est comme ça aujourd'hui la musique. C'est, tu veux faire un featuring avec un tel, ben c'est autant. C'est voilà. Du business, quoi. C'est même, voilà, c'est exactement, c'est du business. Et moi, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Ils le font très bien. Tu veux garder les bases. Et c'est grâce à eux qu'on peut jouer des sons, mais ça m'intéresse pas. Et en plus, j'ai pas la thune. Donc voilà. Et un petit mot puisqu'il en parlait dans son message sur Avicii, on en parlait tout à l'heure en rantaine. Oui, tout à fait. Ben écoute, à chacun de mes sets, j'essaye souvent de rendre hommage à Avicii. Avicii qui était un super producteur et qui nous a quittés malheureusement et qui n'a pas supporté de. Tu sais, c'est pas évident de quand tu es producteur de vouloir d'être mis en avant de la scène et d'être reconnu, ouais. Avoir une lumière sur toi, et c'était quelqu'un de très timide, de très solitaire au final, tu vois. Il aimait bien être en studio, faire ses trucs, mais il n'aimait pas spécialement se produire en public, hein. Si vous avez vu son documentaire, vous êtes au courant. Mmh. Et donc voilà, c'est pas évident ce métier. Il faut supporter la célébrité, il faut supporter les critiques, il faut supporter l'amour de tous les gens, les demandes de tous les gens, c'est pas toujours évident. Donc on essaye, et c'est si t'as pas un peu les nerfs solides, tu vois, dans ce métier, ben tu te fais vite manger malheureusement, tu vois. Et donc paix à son âme, et malheureusement lui n'a pas tenu le coup, mais heureusement il nous reste sa bonne musique pour il y aura des hommages qui lui seront rendus le 16 peut-être. Il y aura plein d'hommages, vraiment. Très bien. Et tu m'as dit tout à l'heure, on va faire revivre Michael Jackson. Mais toi, tu entends des choses que moi-même, je n'ai jamais dit. Tu vois. J'ai la preuve avec la Fun Vision, mon petit. Écoute, peut-être Michael sera là alors. Hein. Didier est avec nos téléphones. Salut Gigi. Ouais, salut. Ça va Gigi? Ouais, très bien, très bien. Bon, t'appelles de quel endroit? De Liège, c'est ça? J'appelle de Liège, ouais. Big up. Ne bouge pas, on te récupère dans quelques instants. Tu vas poser ta question à Daddy, d'accord? Ouais. On se fait ça juste après Sofia Reyes sur Fun Radio. Passez une bonne soirée tout le monde. On est en direct. Daddy K, notre invité. 02851 4x0. J'ai la machine qui est en train de planter. 3044 pour balancer vos SMS et puis le Facebook, ma petite Lorenza. Ouais, Mike Fun Radio, et on répond à tous vos messages à la seconde. Tu devrais plus parler dans cette émission. Non, c'est bien quand tu parles. Oh, c'est mignon. Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me. I'll be good company. Baby, me no less. Jason Derulo. La la la. bonne soirée la famille. Et si vous disiez stop à la déprime? Stop. Mike, le soir, sur Fun Radio. Avec vous tous et vous toutes, on est là tranquillement en famille le soir sur Fun Radio. Tous les jours on est là du lundi au jeudi de 20h à 23h et le dimanche aussi c'est 21h minuit pour être un petit peu décalé. Merci de nous écouter les amis, vous pouvez nous voir en Fun Vision également sur le funradio.be ou via l'application Fun Radio Belgique qui est disponible bah, pour tous les smartphones. Et gratuit en tout. Merci Lorenzo, voilà. C'est bien de le préciser. Daddy et Nicky Sanchez sont nos invités. Bonsoir les amis. Bonsoir. Alors Daddy, le concert c'est le 16 mars. On rappelle que vous pouvez choper vos places sur le site du Palais 12. On vous a mis tous les liens sur le Facebook. Et on va vous mettre aussi un lien en swipe up sur l'Insta. Et on vous fiera les places qu'il nous les a lâchées dans quelques instants. Là, on va les lâcher. Mon petit Daddy, il y a du monde au standard pour toi. Dans quelques instants, on a une grosse surprise pour toi aussi. C'est vrai. Tu vois, j'en perds mes mots. Ouais, c'était en rapport avec Beyoncé, tu m'as dit. Ouais, grand fan de Beyoncé. Ah bah oui. On a le bras long, on a des experts people dans cette radio. Des gens qui ont des numéros. Le sosie de Beyoncé. Ah bah écoute, c'était son anniversaire en plus il y a deux jours. Tout à l'heure, Beyoncé t'a laissé un message. Okay. Je t'assure, c'est pas une connerie. On écoutera ça tout à l'heure. Ok, d'accord. Dans quelques instants, sur Fun Radio, je garde la surprise jusqu'au bout. Okay. Il va pas être déçu, Il va pas être déçu. C'est un truc ouf. Beyond Indice, Beyoncé. Beyoncé, cousin, tu fais un concert le 16 mars. Auparavant, petite musique sensuelle, ça y est, nous pénétrons dans le lit des Daddy K. L'intimité du couple. Nous sommes entre Nicky et Daddy K. C'est Lorenza. Oh. Et qui voulait en savoir plus sur tous les deux. C'est tout en même temps ici, Fort Boyard. Ça, c'est dans 5 minutes, Fort Boyard. Ouais. Alors, vas-y, Lorenza, mais un petit questionnaire de couple. Ouais, ma première question, ce serait pour savoir déjà qui de vous deux cuisine et qui cuisine le mieux. Ah oui, on a des questions existentielles. Ouais, c'est... Bah, écoute. Moi, je cuisine. Je suis pas une spécialiste, mais je fais un minimum de plats, mais qu'il apprécie. Ouais, voilà. Ça tourne autour de deux plats. Hein, faut pas non plus. J'ai dit que j'étais pas une spécialiste. Non mais faut être honnête, on mange tous les jours à l'extérieur. Ouais, en fait. On adore sortir et aller se promener. On a nos petits restaurants et tout habituels et tout, donc on aime bien aller dans certains endroits et donc c'est vrai que parfois à l'occasion. Ouais, ça m'arrive de préparer. Par accident. Il fait un bon spaghetti. Voilà, il y a quelques plats que je sais faire. Voilà. Et puis on a pour toute la semaine. Et ben du coup on continue un peu dans le domaine. On veut savoir aussi qui fait les tâches ménagères. Moi. Ah oui, non, ça c'est. C'est étonnant. Oui, non, en bon macho, c'est elle. Mais je suis tellement nul dans les tâches ménagères, et puis à l'heure où je me lève, c'est trop tard. Donc. Tu vois, si vous avez des questions de coups comme ça, 3044 sur les SMS, Lorenza. Sinon aussi, qui prend le plus de temps sous la douche ou à se préparer? Lui, c'est lui, pas vrai. Mon Dieu, lui. Combien de temps? Je vous promets, il peut rester 1h30 à se préparer. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu vois, on décide maintenant. Tiens, je réponds à tous les messages sur Insta, sous la douche. Il est 20h, on décide, tiens, on va sortir à 21h30, 22h moins le quart, il est prêt. Enfin, non, il faut savoir que j'ai horreur de prendre une douche. Oui, parce déjà, que notre jet de douche, il est tellement. Tu vois, tu n'arrives jamais à gérer l'eau chaude, l'eau froide. C'est ou trop chaud ou trop froid, tu vois. Donc ça m'énerve de ouf. Donc je laisse déjà couler l'eau pendant une heure avant que la température soit ambiante. Et après, la planète te remercie, Daddy Kay. Voilà. Ouais, tu vois, il n'y a pas que moi. Hein. Moi, je viens, Big je coupe up la l'eau. Planète. J'invite la planète le 16 mars au Palais des Sciences pour m'excuser. Et ma dernière question, c'est qui de vous deux dort à droite? C'est lui. Parce qu'il y a un délire avec la personne qui dort à droite, c'est la personne qui a plus tendance à être de mauvaise humeur que celle qui dort à gauche. Il y a une étude qui a été faite comme quoi c'est la personne la plus ronchon, on va dire, qui dort à droite. Ronflante, j'aurais dit oui. Ouais. Tu vois, ronflante, ouais, ronchon, non. Je suis jamais ronchon. Non, on est non, jamais le ronchon, matin, super cool, bonne ça. Humeur, enfin à 18h. Non, ça c'est vrai que ça c'est un truc. Jamais quand il se lève, jamais. Ah, c'est génial. Ah, vraiment jamais. Oui. C'est parce que je vais jamais dormir en fait. Merci ma petite Lorenza pour ce questionnaire. Et tiens, au 3044, vous demandez lequel de vous deux est sur la meilleure radio. Bon, bah ça c'est Nicky, pas besoin de répondre, voilà. Merci beaucoup. Bah, écoute, on est au courant. C'est tout ce que c'est pas. Merci mon Daddy. Nicky, vous vous retrouvez le lundi et le mercredi de 19 à 20 pour la Play Mix. Voilà. Bon, les amis, dans quelques instants, dégustation. Non. Ah oui, c'est une dégustation. Juste avant, il y a un. C'est qui? Gigi. Ah, c'est Gigi qui est là. Ouais, salut. Ouais, le pauvre, depuis tout à l'heure. Excuse-moi, on t'a oublié, Gigi. On t'a oublié, on est dans l'ambiance. Là, ça, mon toujours Gigi. À Liège ou t'as bougé vers Namur, là, depuis? Gigi, t'avais une question. T'avais une question pour Daddy. Ouais. Alors, je voudrais dire, d'abord, je suis un grand fan depuis bientôt 20 ans. Merci, merci à toi, merci beaucoup. Je voudrais dire, le talent est immense, j'adore. Merci, c'est gentil. Et puis, bon, je sais que tu es déjà venu à Liège, mais depuis, quand est-ce que tu vas nous retrouver à nouveau? Bah écoute, il y a pas mal de dates de prévues un petit peu partout dans la Belgique, parce que bien entendu, avant ce gros concert au Palais 12, je ferai encore des dates en Belgique jusqu'à la fin de l'année d'office. Mm-hmm. Après, je me ferai un petit peu plus rare, puisque on se concentrera sur la préparation. Il faudra préparer vraiment le concert, qu'on prépare déjà maintenant, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Mais je crois qu'il y a une date ou deux prévues du côté de Liège, je crois. De toute façon, le plus simple, c'est que je sais pas si tu me suis sur Instagram, DJ Daliké, ou sur Facebook. N'hésite pas, en tout cas, à te rajouter, et je mets en général toutes les dates ou tous les événements qui ont lieu dans le mois. Ah ouais, ok. Ben voilà, tu vas sur la page Facebook, ok. Et puis, bon, je voudrais dire que j'ai quand même une belle anecdote, c'est que j'ai un bon souvenir aussi. C'est que, il y a très longtemps, le frère de ma fiancée m'avait offert une cassette de Benny B. Waouh. C'était vraiment à l'époque, la cassette. Ah, plus personne sait c'est quoi une cassette aujourd'hui. Tu lisais ça dans ton auto-reverse à l'époque, ouais. Ça, c'était à l'époque de Martin McFly. Je me souviens particulièrement du titre que tu avais fait sur cette cassette qui s'appelait Do You Speak Martian. Oui, tout à fait. Ouais, ah, tiens, Voilà. Bon, je me souviens plus de l'année. Peut-être que tu pourras me le rappeler. Oui, c'était Vu la qualité, c'était pas de ce siècle-là. C'était en 1990. En fait, il faut savoir que Do You Speak Martian, c'est le premier disque enregistré qu'avec des scratchs. Donc en fait, j'avais pris toutes les voix d'un disque de Goldorak, ouais, parce que je suis un grand fan de Goldorak, ouais, et j'avais reconstruit une histoire où c'était les voix du Rigel, le papa d'un des personnages dans la série, où il voyait des extraterrestres partout, et donc j'en avais fait un morceau, et c'était vraiment un délire que de scratch, donc que de DJ vraiment à proprement dit, et c'est vraiment le premier disque entièrement réalisé du début à la fin en scratch, et c'est le premier disque de platine de scratch. Et 30 ans après, t'en entends parler avec Gigi. Ouais, mais j'aurais peut-être pas dû faire le clip, par contre. Il y a un dos avec le clip, il y a quoi? Non, le clip, n'allez pas voir le clip. N'allez pas voir le clip, sinon vous n'allez pas venir le 16. Il fait quoi dans le clip? Il a une peucou, mais absolument incroyable. Cheveux blonds en l'air, mais de ouf, genre 5 cm. On va le mettre tout de suite sur la page Facebook Fun Radio. Allez voir le clip. C'est absolument magnifique. Merci, merci Zizi de nous avoir rappelé ce bon souvenir. Si je peux réentendre ça un petit moment, ça me fera vraiment plaisir. Avec grand plaisir. Salut mon pote, merci de nous avoir appelé Gigi. Merci. À bientôt, tu reviens quand tu veux dans l'émission Gigi. 02851 4x0. Dans quelques instants sur Fun Radio, on va se faire des défourons tout à l'heure. Si vous avez un coup de gueule à passer, il y aura du Lorenza full bordel pour tester la fidélité de votre mec. Et Daddy Kenny et Nicky Sanchez sont encore avec nous. Dégustation juste après Martin Solveig. ship waiting for you. For a minute you can use my love. Êtes-vous prêt à retourner le pays? Êtes-vous prêt à foutre le bordel? 02 851 4 x 0. Mike, jusqu'à minuit sur Fun Radio. Et on est là jusqu'à 23h ce soir. Merci de nous avoir choisi tout le monde. On est en direct, on attend tous vos messages, toutes les inscriptions. Vous pouvez les envoyer au 3044 par SMS, 50 centimes par message. On offrira encore, enfin, on va sélectionner encore quelqu'un pour le festival Lollapalooza. C'est le week-end prochain, là, les 8 et 9, c'est ça? Hein, le 8 et le 9, on vous offre le transport, les places. Donc vous posez. Oula, vous êtes deux. C'est Daddy qui t'impressionne. Ouais. Elle est toute timide. Oui, qu'est-ce qui se passe? Là, elle essaye de faire sa promo, mais tu l'impressionnes, mon Daddy. Il vous suffit juste d'envoyer Festival au 6322 pour 1€ le message et on va vous présélectionner. Le grand gagnant sera vendredi. Elle est toute timide, amie avec nous. Sans déconner, Lorenza. C'est la famille. Le concert, c'est le 16 mars au Palais 12, les amis. Allez voir sur le site du Palais 12 pour réserver vos places. Daddy. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben non, rien. Non, mais très bien. J'ai hâte de goûter à tout ce que vous m'avez préparé là. Sans dire que je vais être malade. Apparemment, il y a une petite question qui arrive sur l'SMS. Est-ce que vous allez faire des dates tous les deux? On vous a vu à Tomorrowland ensemble avec Nikki. Vous avez fait Tomorrowland, c'est quand même. Ouais, c'était quand même c'était une aventure extraordinaire. En plus, c'était une première pour nous de pouvoir jouer à Tomorrowland et en plus en couple. Ouais. Donc c'était vraiment. C'était dingue. Et je peux déjà vous dire qu'on y retourne l'année prochaine parce qu'ils ont vraiment kiffé. Et ouais, c'est une belle aventure pour ceux qui n'ont jamais. Vous serez tous les deux au prochain Tomorrowland. Ouais. Donc pour ceux, et ça c'est vraiment une exclu. T'es le premier à être au courant. Donc j'espère qu'ils vont pas annuler d'ici là. mais en tout cas c'est une aventure à vivre au moins une fois dans ta vie. Même en tant que spectateur, moi c'était la première fois que j'y allais. J'avais jamais vu en vrai. On parlait tellement tout le temps Tomorrowland. Mais c'est vrai que c'est une structure et une organisation juste incroyable quoi. Donc il y a la main stage, ok, mais il y a pas que la main stage. Il y a au moins une vingtaine de stages, les unes les plus impressionnantes que les autres. Et ouais. C'est vraiment une organisation de dingue. Et en plus c'est belge. On peut vraiment être fier de ce festival. Nikki, le bilan, pareil, c'est hyper positif, t'as kiffé? Ah ouais, c'était magique. Moi, j'étais la première fois à Tomorrowland il y a 3 ans en tant que spectatrice. Et jamais, j'aurais imaginé que 3 ans après, t'allais te retrouver derrière les platines. Dans le line-up, c'était magique. Vraiment, c'était une journée magique. Alors, on le voit, vous avez des étoiles dans les yeux quand vous parlez de Tomorrowland. C'était magique. Quoi. Toute la journée était parfaite. C'était parfait, c'était beau, c'était magique. Et vous remettez ça l'année prochaine. Dans la famille de Tomorrowland, c'est quand même pas rien. C'est aussi une consécration, on en parlait tout à l'heure. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils jouent à Tomorrowland, mais ils jouent dans le parking à côté, tu vois. Donc, oui, c'est vrai, c'est à côté. Mais non, nous, on était vraiment dans Tomorrowland. Non, excuse-nous, hein. On est dans le line-up, même sur le site. Exclu Fun Radio, vous y serez l'année prochaine, à la prochaine édition. Ouais. Voilà. Tous les deux. Alors, c'est l'heure de la session dégustation. Ça va être le moment. Atelier Fort Boyard. Alors, c'est Coralie qui nous a préparé tout ça. Daddy, on a mené une grande enquête pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait te faire ce soir. Et donc du coup, nous allons te faire goûter. Tu vois Coralie qui me fait les poches, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas. Coralie, c'est ça la technique. Ouais, tu vas manger, vas-y, prends. Non, elle va se mettre autour des yeux parce qu'on n'avait pas le budget pour le bandeau. Ah oui, vous avez tout investi dans la bouffe. Ah, c'est ça, ouais. On était jeté des trucs juste avant, c'est des trucs à manger. Lorenza, tu peux le rassurer, c'est comestible. Il faut savoir qu'il faut un bandeau avec mon training, hein. Donc on voit les gros budgets sur Fun Radio. C'est à l'arrache. Allez Coralie, si tu pouvais y aller s'il te plaît. Bah tiens-lui le bandeau, c'est pas grave. Tiens-lui le bandeau. Alors, je vais te poser des questions. Inch'Allah. Daddy. Ouais. Si tu n'as pas la bonne réponse, tu mangeras ce que Coralie te donnera. Ok, cool. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des choses comestibles. Putain, elle sert bien, n'empêche. J'ai le sang qui circule dans le cerveau, là. Branchez-vous, les amis. Pas beaucoup. Funradio.be pour voir Daddy K en Fun Vision. et pour voir ce qu'il va manger ce soir, ce qu'on va te faire déguster. Alors, première question d'Adiké, quel animal sauvage est le symbole de la ville de Berlin? C'est jouable. Waouh. Ah oui. C'est quoi le premier truc à manger? Le symbole de la ville de Berlin? La ville de Berlin, bah propose. Hitler, je sais pas. C'est la vanne qui ne passe pas. C'était un ours. C'est un ours. Un ours. Bah, donc tu vas déguster. On appelle Hitler. Bon. Ah oui, l'ours. T'es, tu connais pas t'es venu pour me faire virer en fait. De... Faites-moi goûter un truc bon, allez, s'il vous plaît. Daddy va déguster, branchez-vous, funradio.be. Franchement, c'est tranquille, tu vois ce qu'il y a. Vas-y, ouvre la bouche. Oh là là, oh là là. Attention, ouvre la... il a pas l'habitude d'ouvrir grand la bouche. T'inquiète, Daddy, ça se mange. Il n'ose pas. Voilà, il déguste. C'est bon. C'est quoi? Un pims. Voilà, c'est un pims. On a commencé tranquille. Je fais la suite. Prochaine question. Quel âge a Passepartout de Fort Boyard, justement? Putain, le gars, il veut jamais mourir. C'est chaud. Non, Passepartout. C'est chaud comme question. Il a 200 ans de carrière, lui. Il doit avoir la cinquantaine, je pense. Ouais, il a 54. 50 centimètres. 50 centimètres. Donc, il a 50 ans, Passepartout. Eh ben, tu vois, j'étais pas loin. Est-ce qu'il va quand même déguster? C'est Niki qui a répondu, donc il déguste. Il ouvre la bouche, t'inquiète pas, c'est encore tranquille, mon daddy. C'est quoi? C'est gluant? La confiture. C'est de la confiture. Ah, on est sympa. On est tranquille. À un moment donné, tu vas te prendre un truc, tu vas pas le voir venir. Vous êtes dégueulasse. Prochaine question, Daddy K. En quelle année a été lancé Fun Radio en Belgique? Oh là là. C'est jouable, on a fêté l'anniversaire il y a pas longtemps. Il y a 2-3 ans là. Ouais, c'est vrai. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans? Ouais. Il y a 25 ans. Oui, mais je voulais dire 13 ans il y a 3 jours. Ouais, ouais, c'est ça. C'était en 1989. Déjà? Donc 20 ans l'année prochaine en fait. 30 ans l'année prochaine. Attention, ouvre la bouche et là. Mange, Daddy, mange ça. C'est bien bon. Branchez-vous, funradio.be. C'est quoi? C'est bon? Bah, c'est pour les chiens ou quoi? Alors, mon daddy, on a enquêté et apparemment, t'aurais dit que pour 1 million d'euros, tu ne mangeais pas d'insectes. Putain, si tu voyais ce que tu viens. Qu'est-ce qu'il vient de déguster, Coralie? Il vient de déguster des grillons et des petites verres de farine. C'est bien, mon daddy. C'est super bon. Merde. Ils sont où, mais 1 million d'euros maintenant? On rigole moins, hein. C'est bon, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien d'autre. Fais-en manger à Niki, fais déguster. Ouais, je vais bien goûter. On remercie le restaurant qui nous a filé ça. La petite épicerie bio et c'est à Saint-Gilles, c'est Mehdi. Il déchire. Franchement, on l'embrasse. Il passera si c'est bio, une petite dédicace tantôt et tout, mais génial. Mais c'est bon en plus. C'est super bon. Chaussée de Waterloo à Saint-Gilles. Voilà. C'est un petit criquet. Que Gaston veut goûter, le réalisateur vidéo? Je peux enlever le bandeau? Ouais, c'est bon. Je vais goûter. C'est super bon. Je comprends pourquoi les grillons ne sont pas cannibales. Non, c'est pas. Bah, c'est salé, on dirait de la pistache. Ouais, c'est super bon. On dirait de la pistache, je sais pas. Voilà, Daddy K, on t'a fait manger des insectes. Eh ben, super. Merci à toi, en tout cas, d'avoir des été. Des pattes qui sortent de mes oreilles. Tu vas avoir des mutations, des trucs chelous. Daddy, bah, on se passe Justin Bieber et puis juste après, on conclut ça. Ouais, ben, on conclut ça. Avec DJ Khaled, passez une bonne soirée, tout le monde en direct sur Fun Radio. Branchez-vous, funradio.be pour la Fun Vision. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on lose. Go hard and watch the sunrise. One night, it changed your whole life. Off top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put him up if you with me, yeah. In the middle, when you riding in that drop, you can't explain it. What you been waiting on this whole time? I blow the brains out of your mind. And I ain't talking about physically, I'm talking about mentally. She look at, she look like she nasty. Look at, she look at, she look like she classy. Look at, she look at, just look at her dancing. Look at, she look at, I took her to the mansion. You sneak out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. Got your mind on lose. Go hard and watch the sunrise. One night it changed your whole life. Off top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put 'em up. bitch, I ain't got no chain. Not on the list, I ain't got no name. But we in it, bitch, bitch, I'm not no lame. And I keep it Ben Franklin, I'm not gonna change. A lot of these hoes messy, messy. I just want you and your bestie. I don't gotta answer, but whenever you text me, it's multiple choice and they all wanna test me. Choosing a squad. She tryna choose between me, Justin Quay, and a sword. She told me that she love that I make music for God. I told her I would let her see that blood. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on lose. Go hard and watch the sun rise. One night, it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put him up if you with me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. In the middle, oh, oh, oh, oh, oh. Put him high, put him high, yeah, yeah, yeah, yeah. Full stars, yeah, whoa, whoa, oh, oh, oh. Put him high. Walk down at me sitting up, demanding my attention, had to give it up. Like somebody designed you, dropped it gorgeous. You made me wanna live it up. Your presence is critical, moving my soul, yeah, you're spiritual. They hate it when you notice me, make everybody else invisible. Breaking all the rules, so above the law. I'll be your excuse. Damn right. You don't go wrong, no. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose him or me, be for real, baby. It's a no-brainer. You got your mind on lose. Go hard and watch the sun rise. One night it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up if you with me, yeah, yeah, yeah, yeah. In the middle, yeah, whoa, whoa, whoa, whoa. Put them high, put them high, yeah, yeah, yeah, yeah. Both sides. Bonne soirée sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisis. On est en famille ce soir, 21h32 en direct avec Daddy K. Le concert, on le rappelle une dernière fois, c'est le 16 mars. Merci beaucoup Daddy, merci beaucoup Niki d'être venu dans l'émission ce soir. Merci à vous du fond du cœur. C'était vraiment un grand plaisir. On te souhaite plein de succès. On vous souhaite à tous les deux plein de succès. Niki sur Fun Radio dans la Play Mix. Ouais. Et puis pour toutes les dates. Et puis Daddy, on te souhaite que ce soit un concert de légende. Ben, on espère. En tout cas, vous serez tous invités, hein, donc pas de souci. Ouais. Avec plaisir Daddy. Ouais. Avec grand plaisir. On se donne rendez-vous le 16 mars. Le mot de la fin pour les gens qui écoutent. Fin. Voilà. Les gars, il n'y a plus d'idées là, mais j'attends mon message de Beyoncé. Ah ouais, putain, ouais! Daddy K, on a un message de Beyoncé que je te fais écouter dans un instant. C'est quoi cette radio d'amateur là? Oh! Ça fait depuis le début de l'émission là. C'est vrai qu'avec Lorenza, on a travaillé dur. Ouais, ouais, à mort. Pour avoir le contact. Et vous la zappez comme ça là. Pour avoir le contact de Beyoncé, on sait que t'es fan, tu lui as encore souhaité bon anniversaire sur Instagram. Exactement, et elle m'a première partie quand elle est venue. Quand elle est venue en Belgique. C'est une exclue Fun Radio et c'est juste pour toi, mon Daddy. Ok. Oui, non, je voulais lui dire que c'est un grand artiste, mais c'est avant tout un beau gosse. Mike, je te rassure, il est moins beau que toi, mais il reste quand même très beau. Sinon, continuez votre émission avec Lorenza, je vous écoute tout le temps. Et voilà! Bim! Alors, ça fait quoi? Quitte ton passage chez la radio au Dauphin! On a dit un petit peu. On m'a jamais manqué autant de respect en 30 ans. Mille merci, mon Daddy K. Et puis voilà, je voulais dire aussi ce soir, Daddy K, c'est vrai que ça transpire sur tes réseaux sociaux et tout, mais t'es vraiment un artiste, un grand artiste et un homme au grand cœur. Ouais. Donc voilà, je te remercie, moi, Daddy. J'ai cru un homme au grand. Voilà, mais en tout cas, voilà, mille merci, Daddy K. Merci à vous, les gars, avec grand plaisir. Et puis prenez bien soin de Niki Sanchez. Hein. T'inquiète pas, on la chouchoute, on s'en occupe bien. Parce que c'est sur mes yeux. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme, comme on voilà, dit. Voilà, voilà. Daddy, exactement. Tu reviens nous voir avant c'est le 16. C'est un proverbe de con, mais il existe. Ouais. Tu reviens nous voir avant le 16, Daddy. Mais d'office, je viendrai le 15. Allez, c'est fait. C'est calé. Merci les amis d'avoir merci été avec beaucoup, nous. Bonne soirée, Niki. Bonne soirée. Merci à vous, Daddy. Big up, les gars. Ciao. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio.

Coming for you, California. Stop à la déprime. Stop. Mike, le soir, sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, 21h41, on est en direct sur Fun Radio. Il y a Lorenza qui est avec je suis nous. Revenue. Coralie qui répond je standard. Le numéro pour t'appeler Coco. 02 851 4x0. Et puis il y a Gaston aussi qu'on peut saluer qui est à la réa vidéo. Ça va Gaston? Parle plus fort. Le gars, c'est le gars, tu peux lui poser n'importe quoi. Ouais, tranquille la folle. Ah, tranquille la folle. Eh, lourd. Merci Gaston de ton intervention dans cette émission. Il y aura Damso dans quelques instants. Pour faire plaisir à Lorenza. Ouais. Vous débarquez en direct, la famille au 02 851 4x0. On va faire des full room tout à l'heure. J'ai un petit chiffre pour toi Lorenza. Dis-moi. 26% des hommes avouent avoir déjà eu une rencontre désastreuse après avoir connu la personne sur internet. Est-ce que c'est ton cas? Ouais, c'était horrible. T'as déjà vécu comme ah ouais, ça ouais, j'ai déjà vécu un truc comme vas-y, ça. Vas-y, raconte. Mais en gros, c'était la première fois que je faisais mes petites enroules sur Tinder. Donc, que j'avais un rendez-vous et tout ça. Et on se donne rendez-vous dans un bar. Déjà, j'étais flippée. Mmh. Genre, j'étais bah, au téléphone avec ouais, ma meilleure c'est... pote. Enfin, comme dans les films avec. Enfin, tu vois, j'étais là. Ouais, je fais quoi? J'arrive comment? C'est le stress, ouais, le premier ouais, encart, ouais. Ça. Horrible. Ça fout un flip. Et en fait, il se trouve qu'il parlait pas bien français. Donc, tout s'est passé en anglais. Heureusement, ça va, je gère à peu près l'anglais. Mais c'était encore doublement enfin plus stressant et ça ressemblait pas du tout aux photos. Ah oui, bah c'est ça. Pas du tout. C'est le problème. Donc ne vous trompez pas sur internet. Ouais, c'était horrible. Souvent on ment. Voilà, les mecs ou meufs confondus d'ailleurs les deux hein. C'est pour ça que moi j'applique toujours la règle des 10. C'est quoi? Quand tu vois une photo, pour avoir une idée du physique réel, faut rajouter 10 ans et 10 kilos. Et là, t'as une estimation du truc. Bonne soirée sur Fun Radio, on va récupérer Tony qui est avec nous. Salut Tony. Allô Tony? Oui. Ça va ou quoi Tony? Salut, bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission mon Tony. T'appelles de quel endroit en Belgique toi? Allô? Oui? Oui, tu nous entends? Ah oui, c'est, ah, voilà, c'est normal, voilà, j'avais enlevé le bouton, tu pouvais pas m'entendre. Voilà. Tu vas bien Tony? Bien. Bon, t'as congé, alors ça va. Ah, ah bah t'as de la chance frérot. T'as pris quelques vacances en décalé? Non, un seul jour. Ah, un seul petit jour de récup. Tu fais quoi dans la vie toi Tony? Je suis taximan. Ok, cool. Très bien, tu nous écoutes dans le taxi alors? Tous les jours. Ça fait plaisir. Ah, je compte sur toi pour faire découvrir cette émission à tous tes clients. Mais je vous assure, tous les jours. Et je lance un appel à tous les taximans, les amis. Je compte sur vous pour en parler à tous ceux qui montent dans votre taxi. Ouais. Alors, mon Tony, on va essayer de piéger un de tes collègues, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est David. Et d'accord, c'est plus que ton collègue, j'imagine que c'est ton pote, c'est ton ami? Ouais, c'est un, bah oui, c'est des potes, hein. Enfin, c'est même plus des collègues, on passe plus de temps avec eux qu'avec notre femme. Donc. Je ne veux pas savoir ce que tu fais avec. Ne bouge pas, Tony, on va le piéger dans quelques instants, on va faire la baston à la radio, d'accord? Ok, nickel. A tout de suite, Tony. J'ai vécu drame et difficultés, misogyne qu'elles le disent. Je parle des femmes sous mélodie, une nationale impossible. Bébé bang dans le vise, tant de haine pour si peu de. Je vois des thèmes mais je rappe ce qui traîne dans ma cervelle, je me livre. Je suis de ceux qu'on insulte, barrière qu'on m'inflige. Toujours le même depuis type, dans les veines sont de winner. Je crois en Dieu tant que mes coups sont des coups de grâce. Ces fils de putain ne sentiront pas comme ça. Numéro 1, je le redeviens, je fais du bif. Ma vengeance froide et salée, dans leur cul, je me laisse aller. J'ai rien dit, je suis resté zen. Mon papa me partage sa peine. Lâché sans hésiter, lynché dans les JT. Mais pour l'amour de l'assassin, je fais preuve d'ipséité. Y'a plus d'étoiles ce soir dans le ciel. Le bruit des balles qui se parlent entre elles. Y'a mort d'âme car j'ai plus de cœur. Les fleurs fanent, y'a plus de chrysanthème. En Inde, j'ai pas de congé maladie. Sur le raté comme Edinson Cavani. Ma simple présence vaut une autre mort. Je réalise mes rêves et mes cauchemars. La vérité est un noir désir. Car quand elle gifle, elle prend la vie. Mais c'est quoi la vie si ce n'est la mort que l'on nous accorde pour être en vie? C'est tous ceux en qui nous croyons qui finissent par nous définir. Le mensonge est un soulagement qui finit par nous désunir. Mais quand il arrive, je resterai moi-même. Dans mon joint, peu de caramel. Des fils de putain, je m'emballe. D'ailleurs, j'ai fait mon premier million. Mais j'suis toujours pas payé des impositions. J'me demande combien ils vont me retirer. Oh, et j'assais pour vivre dans bonnes conditions. Mon premier million, mais j'ai toujours pas payé les impositions. Je me demande combien ils vont me retirer. Oh, et j'assais pour vivre dans bonnes conditions. Ici bas je ne fais que moula, la la la la la la la la la la. Ici bas je ne fais que moula, la la la la la la la la la la. Passez une bonne soirée à tout le monde. On est là posé. Connectez-vous sur la Fun Radio, sur la Fun Vision, la funradio.be pour voir ce qui se passe un petit peu dans les studios, pour voir les dégâts qu'elle essaie d'indiquer. Allez, demain on vous mettra plein d'extraits vidéo, ouais, etc. Le meilleur c'était sa teuté après le message de Beyoncé. Ouais, ouais, il était alors choqué. Que pourtant franchement on s'est démerdé et tout pour lui avoir Beyoncé. Non, c'était il était même pas ouf. Content. Ouais, déçu. Bon, tiens, vite fait, avant de récupérer dans quelques instants Tony pour se faire la baston à la radio, j'aimerais te parler Lorenza et vous parler de la grève des routiers. Qu'est-ce qui se passe? Ce sera le 13 octobre prochain, les routiers font grève à l'initiative d'un syndicat. Ok. Alors c'est Mireille qui va faire la gueule. Qui c'est qui Mireille? Mireille c'est une prostituée sur la 42, sortie 9, on va pas être content. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Rejoignez la famille Fun Radio dès maintenant. Right here, right now. Sur Instagram. Suivez Fun Radio BE et retrouvez l'univers de votre radio et tous vos animateurs préférés toute la journée. Bah, Fun Radio toute la journée, c'est délire. Fun Radio, c'est la famille. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi, elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un bon de 50 euros chez Carrefour ou Décathlon sur l'avenir.net/bienvenue. Fun Radio. Fun Radio. This is Fun Radio. I heard you tonight, like a line of a melody. Yeah, I heard you tonight. So I'll toast to the times, played out in a cemetery. Yeah, I'll toast to the times. 'Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me, chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. You'll be my sad song, got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song, hardest to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. Line.

Allez, passez une bonne soirée tout le monde. 21h54, merci de nous avoir choisi la famille. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être avec vous. De vous accompagner chaque soir les amis. 20h, 23h, on est avec vous. Vous nous rejoignez au 02 851 4x0. Les SMS, ça se passe au 3044. Il y aura dans quelques instants du son dance floor avec Z de Calais. On va se faire des full room aussi. Si vous avez des coups de gueule à passer, il y aura du Lorenza test ton mec tout à l'heure. J'espère que ça va aller encore une fois. Hein. C'est tout le temps la même chose. Hein, Lorenza, je... full bordel dans ton couple ce soir sur Fun Radio. Si vous voulez tester la fidélité de votre mec, vous pouvez aussi envoyer un message en privé sur le Facebook. C'est Mike sur Fun Radio. On vous attend. Allez cliquer sur like, les amis. Pour l'instant, on va récupérer Tony. Toujours là, Tony ? Oui, je suis là. Bon, moi, Tony, tu appelles de Charleroi, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Et tu es Texman. Ouais, et Carolo, on est là. Carolo. On est dingue, dès qu'on a un Carolo à l'antenne, il se sent obligé de représenter sa ville, quoi. RPZ, quoi. C'est normal, c'est normal. Elle est souvent noircie, mais c'est pas une si mauvaise ville que ça. Mais non, t'as tout non, à fait. C'est raison. Vrai, quand on passe à côté, ça a l'air sympa de loin, mais faut pas rentrer, quoi, je veux dire. Bon, ouais, et. La nuit, je peux te dire qu'elle est pas si dangereuse que ça, je fais la nuit, donc. Ah ouais, non, donc, mais. On te croit. On aime bien vanner, mais on kiffe, ouais, évidemment. On te croit. Alors, mon Tony, tu veux piéger ton pote qui s'appelle David, et c'est ton collègue, c'est aussi un taximan, c'est ça ? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Maintenant, ça fait presque plus d'un an. Ah. Oui, c'est plus d'un an qu'on bosse ensemble. Ça fait pas si longtemps que ça. Et tu nous as dit qu'il avait le sang chaud un peu, le David. Ouais, ouais, il a le sang chaud, il démarre. C'est, genre, vous êtes déjà embrouillés tous les deux ? On s'est déjà embrouillés tous les deux. Ouais. À cause de quoi, l'enroule ? Oh, à cause de conneries de boulot, je veux dire. Mais bon, il est un peu sous polaire. Donc, il monte vite, mais il redescend aussi vite. D'accord. Ah ouais, ok. Ah, je vois le délire. Il est un peu lunatique. Ouais, surtout. Bon. Tout les en même temps. Tony, on va l'appeler David et t'as deux minutes pour me l'énerver à fond. C'est le jeu de la baston à la radio, ok ? Pas de souci. Attention. Avec plaisir. On appelle David tout de suite. J'espère qu'il va s'énerver, hein, qu'il va monter. Il y a du cadeau Fun Radio évidemment pour toi si tu réussis à me l'énerver. Et pour faire une baston à la radio, vous pouvez aussi nous appeler au 02 851 4x0, Facebook. Mike Fun Radio. Ça sonne dès que ça dit allô, c'est à toi. Allô. Ouais, Dave. Ouais. Comment ça va, Pédé? Ça va, c'est qui? Bah, c'est Tony. Ah, bah, je sais pas, t'es en privé. Oh, je sais pas. Bah, ouais. Je sais pas, j'ai chipoté mon téléphone tout à l'heure. Ah, bah, voilà, tu me téléphones en privé, gamin. D'accord. Vas-y, ma poule, j'ai un petit souci. Enfin, quoi? Enfin, moi, j'ai pas un petit souci, mais si ça remue à la merde, ça va être un gros souci. En fait, la semaine passée, t'as roulé avec la 57. Ouais. La semaine passée, oui. Ouais, il y a une semaine et demie, ouais. Ouais, voilà. En fait, moi, j'ai cru bien faire. J'ai trouvé une carte d'identité, enfin, un portefeuille. Ouais, je ne sais pas parce que j'avais oublié mon câble de chargeur dedans et je ne l'ai pas retrouvé. Pour une fois que... Non, c'est pas ça. C'est un portefeuille que j'ai retrouvé. Pour une fois que j'ai voulu faire ma BA, j'ai été ramener le portefeuille chez une dame à Monceau. Ouais. D'accord. Et elle m'a pété un scandale dessus. Parce qu'il y avait de l'argent dedans. Ah, hein, ça sais pas. Ouais, il y avait de l'argent dedans. Enfin, c'est sa fille, moi, qui m'a pété un câble dessus. Parce qu'il y avait de l'argent dedans. Et apparemment, tu aurais volé l'argent à la cliente. Tu m'as pas vu, c'est la cliente. Ouais. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, le chauffeur, c'était un petit. Elle dit, pas plus grand que vous. Elle dit, mais il avait pas de tatouage sur ses mains et tout ça. Elle dit, je suis sûr et certain qu'il m'a volé l'argent. À Monceau, j'ai même pas été à Monceau, moi. Écoutez, voilà. Non, bah, de toute façon, s'il ressort sur ma feuille de route, je vais pas être à Monceau, donc... Ouais, j'ai dit, voilà... Oui. Tony Oui. Oui, vous êtes avec Monsieur David au téléphone? Oui, c'est ça, oui. Oui, mais il dit quoi pour mes 300 euros? Pour les 300 euros de ma maman? Mais écoutez, je n'en sais rien, il dit que c'est pas lui. Ah, si. Ma mère confirme que c'est lui, donc il y a pas de souci, on sait très bien que c'est lui. Alors j'ai beaucoup de respect pour les taximen, mais il y a un moment où il faut pas abuser, hein. Abuser de la gentillesse des vieilles dames, ça va une fois, ça va pas deux fois. Si jamais c'est toi qui les a pris, comme ça on est tranquille avec ça, parce qu'ils sont en train de prendre la tête à moi, et ça va pas le faire. Et moi je vais aller porter plainte. Bah, je vais aller porter plainte. Si ça continue comme ça, je vais porter plainte. Voilà, tu vois, ils me prennent la tête à moi, ça fait une demi-heure que je suis chez eux, je suis bloqué chez eux. voilà, il me téléphone même sur mon fixe. Bébé, bébé, il veut pas me rembourser. Bébé. Donc, Viens, viens, il veut pas me rembourser. Qu'est-ce qui se passe? Le taximan, là. Je crois pas, Antonio. De quoi, David? Je crois pas à ton histoire, surtout que tu me sonnes en inconnu, tu le fais jamais. Ben, pourtant, je t'assure que c'est la vérité. Si je suis dehors, je suis à la rue d'Orlodo. Donc, voilà. Et en plus, la voix, j'ai bien entendu. Ok, ma voix, moi? Non, la voix de la fille. Hein? Bon, écoute, elle a sa petite notoriété. C'est vrai que celle-ci, elle a un compte sur MySpace. Bon, bah, il nous a grillé, écoute. Voilà, ça. Au moins, ils écoutent Fun Radio. Voilà, c'est... Voilà, Tony, tu vois. T'écoutes Fun Radio dans le taxi, mon pote? Eh ouais, on n'a pas le choix. Ah, ça fait plaisir. Ah, bon, voilà. Bon, Antonio. Ah, t'es pas rentré. Ah là là, je suis déçu. Ah, moi aussi. Ah, je suis déçu. Ouais, moi aussi. En plus, ça s'entend dans sa voix, quoi. Là, comme tu disais, il peut vite s'énerver. Ouais, ouais, à mort. Ouais, d'habitude, il s'excite comme un sauvage. C'est le scénario. On n'a pas assez bossé le scénario, les gars. Ouais. Bon, moi, Wallace, je t'explique. En fait, on a fait le jeu de la baston avec. Pourquoi je t'appelle Wallace d'ailleurs? C'est David, ton prénom. C'est Tony, David, ouais. Excuse-moi. Donc, David, on a fait le jeu de la baston à la radio. C'est Tony qui nous a appelé et nous a dit qu'il te kiffait à mort et qu'il voulait t'énerver gratuitement. Bon, il avait du cadeau à la clé. Il a pas réussi, putain. Ah, il a pas réussi. Bon, malheureusement, c'est perdu, mon Tony. On va dire quand même un petit cadeau, ok? Mais y a pas de soucis, c'est un plaisir, ça va. Avec plaisir. Et vous revenez quand vous voulez. Vous continuez d'écouter Fun Radio dans le taxi, ok? Mais de toute façon, j'écoute que ça. Ah, ça déchire. Déchirez, les amis. Gros big up à tous les taximans alors qui nous écoutent. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour eux. Salut les amis, raccrochez pas, on vous gère un truc à tous les deux. Bisous, bisous. Salut, bonne soirée. Salut, ciao. Somewhere in the crowd, in a foreign place, are you happy now? There's nothing left to say, so I shut my mouth. So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as a Judgment. 02 851 4x0 Mike sur Fun Radio. Et on est là sur Fun. Merci de nous avoir choisi tout le monde. On passe les soirs ensemble jusqu'à 23h. On vient de passer 22h, il est 22h04. Donc là on est en mode total libre antenne. On se lâche complètement les amis avec la voyance qui arrive en direct tout à l'heure. À chaque fois je dis ça, le moment gênance totale celle-ci, on va pas réagir. Il y aura du Mamie Simone aussi tout à l'heure, la radio Simone. Et on fera du Lorenza full bordel. Mais pour l'instant c'est qui est avec nous? J'avais la feuille il y a deux secondes, c'est dans Omar. Les mains. Ah salut Omar. Salut. Ça va bien Omar? Ça va et vous? Bah ouais, au calme, hein, tranquillement. T'as écouté Dadiqué tout à l'heure dans l'émission? Mais oui, oui, évidemment, je l'écoute à chaque fois. C'est un grand moment avec Daddy qui on l'embrasse encore, avec Nicky Sanchez. Je vais voir sa tête, je vais surtout le vanner la prochaine fois que je le vois, mais je vais le vanner sur le coup de Beyoncé, là. Bon, on mettra la vidéo. On va mettre la vidéo parce que la teuté de Beyoncé, la teuté de Beyoncé, de Daddy qui après avoir entendu le message, pourtant on s'est fait chier, allez, contactez Beyoncé. Si vous n'étiez pas là tout à l'heure, bah allez voir sur le Facebook, on vous la met après l'émission, là, la vidéo. Omar, toi t'es pas content, t'as un coup de gueule à passer. Mais oui, c'est posé. Par rapport aux gens qui vont au fast-food et qui veulent aller bouffer de la salade. On est entièrement d'accord. Je suis une blague. Complètement d'accord avec toi. Moi, quand je vais au fast-food, j'y vais pour manger des crasses, des trucs bien gras. Le fast-food, c'est le Big Mac, le Big Bacon. Bref, moi, je vais au fast-food pour manger du gras, de l'huile qui dégouline. Je sais que ça va me faire grossir, que j'aurai faim une heure après, que j'aurai mal au ventre 10 minutes après, mais on y va pour ça au fast-food, putain Lorenza. En fait, c'est toi qui fais le défaut le room ou c'est... Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. Ça, à chaque fois, tu vas au fast-food, c'est comme le mec qui prend 4 sandwichs et un Coca Light, tu vois, c'est pas... Ouais, mais tu vois, je connais ce truc-là parce que je travaille dans le milieu de la nuit, t'as des gens qui viennent pour prendre un cocktail et qui disent « Ah, sans alcool ». Mais on prend pas un cocktail. C'est le même concept. Mais je suis complètement d'accord. C'est comme si tu vas dans un shake shop pour lire un livre. Bon, ben j'ai déjà eu le coup, hein. Un mojito sans alcool et sans menthe, s'il vous plaît. Des glaçons, quoi. Mettez-moi des glaçons. Ou que tu regardes un film porno, mais que les dialogues, tu vois. C'est le même principe que de commander une salade au fast-food. Lorenza, t'es pas d'accord? Ben, moi, je suis entièrement d'accord. C'est que des crasses, mais alors je vais faire rager tout le monde. Je prends de l'eau, moi, comme boisson. Oh là là, mais complètement hypocrite, ma petite Lorenza. Ah non, mais alors que tu te balades toute la journée à la radio, on te voit avec ta canette de Nalou, là, le truc hyper calorique. S'il y avait des Nalou. Tu prends du Coca-Cola et du Coca-Zéro. Hein. Bah ouais, mais là aussi, c'est hypocrite. C'est quoi votre sandwich préféré, tiens, au fast-food? Dites-moi, les amis, sur les SMS au 3044, nous allons faire un grand sondage ce soir. Le sondage de ouf. Vraie question existentielle le soir sur Fun. Ça va donner faim. Coralie. Moi, j'ai. Ah, mon petit coup de cœur, c'est les hamburgers au poulet. Avec un petit tranche de poulet pané comme ça, avec un peu de bacon au-dessus, une bonne sauce, trop bon. Ah ouais, On nous dit sur les SMS, c'est Marcus de Brenaleux qui nous dit oui, mais il peut prendre un ananas ou les pommes en dessert, ça compense. Tu veux un petit ananas? Oh, tu sais quoi, je vais vous dire un truc, le jour où j'irai au McDo et que je prendrai un petit ananas, ce jour-là, abattez-moi. Sans déconner, n'hésitez pas, les gars. Je garde toujours une pelle au cas où, t'inquiète. Non, mais moi, j'aime tellement le McDo. Et puis, comme j'ai toujours rêvé d'avoir des seins, je pense que dans quelques semaines, en continuant à aller au McDo, ça va. Ça va arriver. On nous dit, moi, c'est le sandwich au poisson. Ça me donne bonne conscience. C'est Sarah de Bruxelles. Oh non. Je suis pas d'accord. Non, ça fait pas ça. Ah, c'est dégueu. On est d'accord. Merci, Omar. Un triple comme ça. Avec un triple de la sauce, plus les piments. On est d'accord. Omar, je vais te laisser faire ton défoule room. C'est parti. Bah ouais, 30 secondes pour afficher les gens qui t'énervent et qui donc, pour toi, commandent de la salade au fast-food. Attention, 3, 2, 1, les go. Voilà, je voulais dire, ça se fait pas de manger des burgers et aller là-bas et dire non, je veux une salade avec une petite vinaigrette et ce qui va avec un petit peu de poulet. Non, quand on va au fast-food, c'est pour bouffer ce burger, un triple burger avec plein de sauce, plein de frites, un supplément de fromage et tout le bordel qui va. Ah, il me donne la dalle. Bien bon. Amenez-moi des frites s'il vous plaît. Encore une crasse 10 minutes ou un quart d'heure plus loin parce qu'on avait encore faim. Et ben voilà, tu vois, on se sent mieux après être passé dans le défaut le room. N'est-ce pas? Tiens, d'ailleurs, pour conclure avec ça, puisqu'on parle fast-food, j'ai un truc à confesser. Qu'est-ce qui se passe? Il m'est arrivé un truc hier. Je me confesse que j'ai la conscience moins lourde. Je demande le pardon, l'acceptation, la compassion, l'absolution de mes péchés parce que oui, j'ai déconné. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé au Burger King avec mon sac McDo emporté. J'avais l'impression d'avoir trompé ma meuf. J'étais pas bien, je regardais derrière moi et tout, s'il y avait des vigiles qui venaient pas me sortir du truc et tout. Oh, je suis choquée. Alors, on est des fifous le soir sur Fun. Bon, bonne soirée, mec. Merci de nous avoir appelé, Omar. Merci beaucoup. À la prochaine. Tu reviens quand tu veux. Ciao, salut. Salut, Omar. Tu m'as fait rêver et je suis complètement d'accord. Qu'ils aillent au diable, ces gens qui commandent de la salade au McDo. Bordel. Tu sais que tu fais le signe du dab à la radio, mais à part si on regarde à la Funvision, on te voit pas puisque c'est de la radio. C'est putain, sans même qu'Aurélie le dise. Oh, inquiète-toi. Oh merde. Bah ouais, qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la somme d'argent que vous touchez en fin de mois, votre couleur de peau, votre religion, ramenez-vous open space. On est en mode 100% tolérance, les amis, jusqu'à 23h. J'admire, hein, moi je valide, j'admire. Mais on a bien compris que t'étais là en spectatrice, t'admirais, mais bon, tu t'impliquais pas tellement, ma petite Lorenza. Ça va, je vais m'y mettre, Bah dans quelques instants, tu t'y mettras, puisqu'on va se faire le Lorenza full bordel. Oui. Vous voulez tester la fidélité de votre mec, Lorenza s'en occupe. Elle va prendre sa voix la plus suave, la plus sensuelle possible, la plus sexy possible. Elle va tenter de corrompre votre copain. Ouais, et ou votre copine d'ailleurs, hein, pourquoi pas. On peut tester, hein. Donc n'hésitez pas, un petit message 3044 ou Mike Fun Radio sur la page Facebook. Et, avec et on se fait ça dans un instant. On va récupérer du monde au standard. Coco, elle est là, Julie. Julie, bonjour, bonsoir Julie. Oui. Ça va bien, ma Julie? Bonjour. Ça va très bien. Bienvenue dans l'émission. 28 ans, t'es du côté de Mons, c'est ça? C'est ça. Tu fais quoi dans la vie à Mons? Je suis agent distributeur pour Bipost. Ok. Bon, t'as bossé aujourd'hui? Ça s'est bien passé? Rien à signaler? Non, j'ai pas bossé, j'ai pris ma semaine. Ah bah tranquille, au calme, les vacances en décalé. Il y a beaucoup de gens qui prennent des vacances en décalé, j'ai remarqué. J'ai envie trop quand même un petit peu là. Bah, ça va, on est à la radio, on va pas se plaindre. C'est vrai, c'est un plaisir d'être là en plus. Julie, on va jouer ensemble au boss de la cinquième question. On va faire la première manche et ton adversaire s'appelle Anissa. Bonsoir Anissa. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, ouais. Toi t'es à Liège? Ouais, je suis à Liège. Et t'as 26 ans, tu fais quoi dans la vie Anissa? Je travaille à l'hôpital. D'accord. Je suis infirmière. Ok. Ah. Nous allons faire un match Liège contre Mons dans le boss de la cinquième question. Je soutiens Liège. Sur Fun Radio. Je soutiens Mons. Bah forcément. Ça va être la bagarre. Anissa, je compte sur toi. Alors, on va se faire la manche de sélection pour savoir qui va prendre la main. Parce que c'est un avantage stratégique d'avoir la main dans ce jeu. Je vous dirai pourquoi après. La manche de sélection, okay. C'est simple. C'est le souffle de Mexico. Vous connaissez le son de Luis Mariano. Si vous ne le connaissez pas, je vous le remets. Mexico. Mexico. Mexico. Bon, voilà, on connaît. Le but du jeu est de tenir la note le plus longtemps possible sur le i de Mexico. Me demandez pas le pourquoi du comment. C'est faut juste ça. Tenir la note le plus longtemps possible. Et c'est celui qui tient le plus longtemps qui va prendre la main et donc qui aura un bel avantage pour gagner du cadeau. Ok ? Vous avez compris ? Ok. Il faut tenir le plus longtemps la note de Mexico ? Ouais, c'est ça. Ça. Sur le i de Mexico. Okay. Julie, tu veux commencer ? Allez. Allez, nous t'écoutons, Julie. Chronomètre sorti. Mexico, Mexico. Il y a une Clio, l'alarme est en train de sonner. Elle a du souffle, hein. 10 secondes. 10 secondes, ouais, c'est pas beaucoup. Bon, c'est attention. Mal, déjà. Ça va, c'est pas mal, franchement. Allez, on y va. C'est à toi, Anissa. Mexico, Mexico. Oula, mon Dieu. Le téléphone va se casser. Moi, si on continue comme ça toute l'année, je vais péter un câble. Combien ? 9 secondes. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, ça s'est pas joué. C'est donc Julie qui va prendre la main dans un instant. Ne bougez pas, les filles, on joue ensemble, ok ? Vous bougez pas. À tout de suite, les filles. On fait le buzz de la 5ème après Dino Reno sur Fun Radio. Passez une bonne soirée, tout le monde. Il y a la voyance en direct qui arrive aussi avec Alex D dans quelques instants sur Fun. We have the love we share. This is what we're waiting for. Ne seront plus jamais les mêmes. Oh, yeah. Mike, le soir sur Fun Radio. Et vous vous ramenez au 02-851-4x0 dans quelques instants. On va lancer la voyance en direct avec Alexandre Delovan, notre voyant qui sera là pour répondre à toutes les questions que vous posez sur votre avenir professionnel, sentimental. Vous connaissez la chanson, on le fait tous les jours sur Fun Radio. Et ce sera tout à l'heure. Vous pouvez vous inscrire aussi par SMS au 3044 ou balancer un message pour les plus timides sur le Facebook. C'est Mike sur Fun Radio. Les filles, vous êtes toujours là, Anissa et Julie ? Oui, toujours. Bon, nous allons jouer ensemble au buzz de la 5ème question pour savoir qui va repartir. On joue pour les places de Dadiqué ? Coralie, je te regarde. On joue avec les places de Dadiqué, bien sûr. D'accord, très bien. Attention, c'est les toutes premières qui sont à gagner en radio. C'est un truc de ouf. C'est une exclu Fun Radio. D'ailleurs, on le remercie encore, Dadiqué, ouais. de nous avoir filé les places en exclusivité totale. C'est un truc les toutes premières places pour aller voir Dadiqué le 16 mars. au Palais 12 à Bruxelles avec plein d'artistes qui seront là en guest. Il nous a dit tout à l'heure, il y aura sûrement du beau monde. Ben voilà, vous allez voir les vidéos, il y aura sûrement des Stromae, Big Flo, il nous a dit sûrement, il a dit c'est pas sûr, mais bon. Je le voyais dans ses yeux. Oui, enfin, oui. C'est, tu vois. Alors, pour ça, il faut gagner. C'est Julie qui a gagné il y a quelques instants le boss, le souffle de Mexico, la première manche. Donc, Julie, tu vas prendre la main et tu vas avoir un avantage stratégique parce que tant que tu donnes la bonne réponse, on continue avec toi. On progresse doucement mais sûrement vers cette cinquième et ultime question. Si tu te trompes, je poserai la question à Anissa. Et attention, la réponse, seule la réponse à la cinquième question vous permet de gagner. Donc si vous répondez correctement aux quatre premières et que la cinquième, c'est Anissa qui répond, c'est votre adversaire, ce sera perdu. C'est bien compris ? D'accord. Oui. Ça va, attention, je vous rappelle que vous jouez votre vie, votre avenir professionnel sur ce jeu. Première question donc pour Julie. Quel animal a deux bosses, Julie ? Le chameau. Oui, j'acceptais aussi. Yeah. Rocco Siffredi. De quel fruit la Louise Bonne est-elle une variété? Je ne sais pas. Bah, test, balance un fruit. Question pour Anissa. De quel fruit la Louise Bonne est-elle une variété? Balance un fruit. Une pomme, c'est pas ça. À toi, Anissa. Julie. Une fraise ? Non plus ! Anissa ! Une poire ? C'est une bonne réponse. Yeah. La Louise Bonne, c'est une poire. J'ai connu une Louise. Elle était pas... Non. Pourtant, elle avait la femme pour poire. Attention, on enchaîne. À partir de quel lait... du lait de quel animal fabrique-t-on le brie, le fromage ? C'est à qui de répondre ? Je pense que c'est à Anissa. Chèvre ? Non, ce n'est pas ça. Julie. Du brebis ? Non. Anissa. Vache. C'est une bonne réponse. Nous allons faire la quatrième question. Comment s'appelle le chien qui suit toujours Lucky Luke ? Julie. Rantanplan. Oui, la sextape arrive d'ailleurs. et puis, bah, nous arrivons maintenant à la cinquième et ultime question. Quelle enseigne de fast-food a pour sigle un gros cul ? C'est à qui de répondre ? Le quick. C'est à Julie de répondre. Et donc Julie, tu me le dis quick. Le quick. C'est une bonne réponse, c'est gagné. Bravo Julie. Tu repars avec du cadeau. Merci. Fun Radio, ma chérie. On te met tes deux places. Tu seras le 16 mars. T'es l'une des premières à avoir tes places au Palais 12 pour applaudir Daddy K. C'est trop la classe, quand et même. Et tous ses Julie. Potes pour ses 30 ans de carrière. C'est cool, non? Oui, super. Merci beaucoup. Oui, trop contente. Merci. Ah, ça déchire. On te met deux places, ma chérie. T'es la toute première à les avoir. C'est la classe. Tu vas pouvoir te la raconter auprès de tout le monde, tous tes potes, ok? Super. Merci, Fun Radio. Ah, avec plaisir. Bisous, Julie. Excuse-moi, il y a Mamie Simone qui me fait chier. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les soirs, à la même heure, vous allez venir pour ma même chose. Oh là là là là, elle est dans un petit état. Nikki Sanchez, elle reviendra lundi, Nikki. Pour la Play Mix. Nikki debout, lol. Merci, Mamie Simone, pour cette intervention. A tout à l'heure, Mamie. Radio Simone, c'est dans une demi-heure, là. Gros bisous à Anissa aussi, hein. Ah bah oui, bah, bisous Anissa. Excuse-moi, Anissa, c'est Mamie Simone qui me perturbe. Je te fais des gros bisous aussi Anissa, d'accord? Ouais, bisous. Et ne raccroche pas, on te gère aussi un petit cadeau, d'accord? Ok, à tout de suite. Des bisous, elle a l'air toute déçue. Ouais, bon, ah bah nouveau boss de la cinquième question qu'on se refera demain. La dernière de la semaine déjà demain. Waouh, ça passe trop vite hein. Bonne soirée tout le monde, on est sur Fun Radio, il est 22h23. Dans quelques instants, Lorenza va tenter de foutre le bordel, de briser encore un couple. Et je suis en forme hein, donc je vais y aller là. Ah bah là on a entendu que t'étais en forme, au top de la gêne. Voici Ed Sheeran, le remix de Tiesto sur Fun Radio. Walking down 29th and Park, I saw you in another zone. Only a month we've been apart. You look happier. So you walk inside, but you said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't you. Bonne soirée en direct sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi, la famille. On retourne le pays ensemble, on fout le feu dans toute la Belgique, juste comme ça, juste pour s'amuser avec ma petite Lorenza. Ouais, j'avais envie de faire pow pow pow pow. Mais heureusement, tu ne l'as pas fait. Ma petite Coralie également qui est là, qui répond au standard. Oui, je réponds au 02 851 4x0. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire pour la voyance. On va bientôt recevoir Alex D. Oui, et on pourrait pas faire cette émission juste moi et Lorenza, parce que j'ai besoin de te regarder, Coralie, quand Lorenza me gêne. J'ai besoin de trouver un regard qui comprend ce que je vis. Est-ce que souffrance, tu vois. Bon, on va faire donc la voyance en direct, comme tu l'as dit. Vous pouvez vous inscrire 3044 sur les SMS. On dit, moi je prends toujours une salade au quick, mais apparemment elles sont plus grasses qu'un burger. Oui, ils ont parlé des fast food tout elle à l'heure, des gens qui commandaient. Il a raison. Mais c'est la sauce des c'est salades. C'est la sauce qui est hyper calorique en fait. Donc au final, autant prendre un bon cheese ou un truc comme ça et vive les calories. Voilà. On va récupérer Célia qui est avec nous sur Fun Radio. Salut Célia. Bonsoir. Hello. Bonsoir, bienvenue dans l'émission. Célia, ça va bien? Ça va super. T'as 25 ans, t'es à Liège, t'as fait quoi de ta journée? T'as bossé aujourd'hui? Dis-moi un petit peu, raconte-moi. Non, je suis en congé, je recommence vendredi, donc j'ai profité pour me reposer. T'as pris quelques petits vacances en décalé, ma chérie, t'as bien raison, Célia. Ouais, profite. Voilà. Alors, on va jouer ensemble, enfin on va jouer, sinon c'est pas vraiment un jeu, on va faire le test de fidélité, on va faire le Lorenza full bordel. Elle va tenter de foutre le bordel dans ton couple, puisque tu sors avec un certain Wallace. Voilà, oui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et je m'étais dit je vais le tester parce qu'il a jamais vraiment eu d'attention, ce qui pourrait me faire douter de lui, mais pour rigoler, j'ai envie de le tester. Ah, c'est juste pour rigoler. Juste pour rigoler, ouais. J'espère qu'on va rester dans la rigolade jusqu'au bout. Voilà, oui. Et qu'il va être fidèle. Hein. Bouge ça pas. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc voilà. Tu vas tout me raconter, ok? Bouge pas, ma chérie. Oui. Il y aura aussi Esprit Noir sur Fun Radio. Ariana Grande, c'est qu'elle est dans un instant, on bouge pas. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Jeudi sur Plug RTL, nouvelle série tout en délicatesse. You're the worst. Salut toi. Vous êtes pas mal. Merci. Jimmy et Gretchen, deux jeunes célibataires cyniques et pas vraiment distingués, trouvent l'amour bien malgré eux. Tu ne comptes pas le revoir? Certainement pas. Du coup, j'ai volé ça. Excellent. You're the worst. Les deux premiers épisodes, jeudi à 21h55 sur Plug RTL. Plug RTL. Mike, Lorenza, ils auraient pu éradiquer la famine, sauver les animaux, ramener la paix dans le monde. Non, je déconne. Ils auraient pu... voilà quoi. Hein, je vais y aller, moi. Mike, le soir sur Fun Radio. Let's get it! Hey, it's Ariana Grande on Fun Radio. Fun Radio is my radio. Fun Radio. Ain't got no tears in my body. I ran up a boy. I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down. Can't stop. Can't stop, so shut your mouth. The colors in you, I see them too. And boy, I like them. I like them. I like them. We're way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down. Can't stop. Can't stop, so shut your mouth. Right now I'm a state of mind. I wanna be in like all the time. Ain't got no tears of the cry. I'm living, so we turning up. Yeah. Et bonne soirée, bienvenue. Et si vous disiez stop à la déprime, stop. Mike, le soir, sur Fun Radio. Fini les soirées galères à se demander quoi regarder à la télé. On est là, les amis, pour vous occuper jusqu'à 23h. Et à 23h, ce sera le poteau des vies avec toute la team, avec Axel et toute, ses, toute sa team d'influenceurs, voilà, pour réaliser vos rêves. Entre 23h et 1h, et Davy qui est en... Mais je sais pas, il fait toute la radio, il cherche des kickers en ce moment. Il réalise un rêve, là, le rêve, tu sais, il fait la rentrée des classes. Il cherche des kickers partout. Donc voilà, si vous avez des kickers. Un kicker extérieur, tu sais, donc c'est dur à trouver. Ah oui, c'est chaud ça. Voilà, vous envoyez un petit message au 3044, les amis. Dans quelques instants, il y aura Esprit Noir avec Juste pour voir. On va récupérer aussi Alex D, notre voyant, pour la voyance en direct. Il répondra à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir sentimental et personnel. Vous pouvez envoyer vos questions sur le Facebook Mike, sur Fun Radio, ou en nous appelant au 02 851 4x0. Célia, t'es toujours là? Oui, toujours là. Toujours là, ma petite Célia, 25 ans, tu nous appelles de Liège. Et tu sors avec Wallace qui a 26 ans. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, c'est ce que tu nous as dit, c'est l'amour fou? Oui, ça va super. Et quoi, vous vivez ensemble? Vous avez des enfants ou pas? Non, on n'a pas encore d'enfants, mais c'est dans notre projet futur, futur proche. Et voilà, oui, non, ça se passe super bien, on est super complices. Tu veux t'assurer vraiment que ce soit un mec bien, même si tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais aucun doute. Vraiment aucun. Voilà, pour moi, il ne m'a jamais laissé transparaître ou regarder une fille ou quoi. Donc voilà, ah ouais, genre, pour tester avant de... Dans la rue, il ne se retourne même pas. Non, il ne se retourne pas, non. Ouais, j'ai encore jamais vu un mec qui se retournait pas. Mais du coup, tu vois, comme ça va super bien et tout, ça me met encore plus la pression, genre, ça me met mal, tu vois. Ah bah oui, parce que là, tu vas être responsable. Mais je croise les doigts, Mais ce sera pas le premier couple que tu brises, Lorenza. Oui, je sais, mais à chaque fois, ça me fait le même effet, tu vois. Oui, tu le fais à contre-cœur, mais tu es payé. Voilà. Et donc, ma petite, t'as déjà fouillé dans son téléphone, essayé de regarder ou même pas? Si je dois regarder dans son téléphone, je lui demande, donc il est à côté de moi parce que je fouille pas comme ça, mais si voilà, je me dis c'est l'occasion pour nous avoir nous engager dans notre projet. C'est fou, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble et t'as jamais fouiné comme c'est ça ouf. Derrière lui. C'est ouf. Ah, c'est beau la confiance. J'espère que tu ne seras pas déçu de lui avoir fait confiance pendant 5 ans. Vous êtes rencontré comment Vous êtes rencontré comment, Célia, Vu qu'on est liégeois, on l'a fait souvent dans le carré, donc c'est un pote à lui, Martha, qui m'a donné son numéro parce que je le trouvais mignon, et voilà, c'est moi qui ai fait le premier pas. Vous étiez tous les deux bourrés quand vous êtes rencontrés, dis-le. Non, on n'était pas bourrés. Et du coup, moi, je vais jouer le jeu, donc je vais dire aussi que c'est Martin qui m'a filé son numéro, alors. Et que je l'ai rencontré. C'est quoi, c'est le meilleur pote, Martin, ça? Ouais, c'est son meilleur pote. Ok. Et apparemment, il sort dans le carré, au Far West, c'est ça? Voilà, oui, le Far West. Ok. C'est un super café. C'est un super café. Ok, ben bon plan, bonne adresse. Voilà, on retient. Si vous êtes riche. On l'appelle tout de suite, ok? Lorenza va s'occuper de foutre le bordel dans ton couple, enfin de tenter en tout cas de vérifier si elle peut oui ou non y arriver. Et puis, si elle y arrive, elle te repassera, voilà. Mais bon, ça va bien se passer, ma Célia. Tu as toute confiance en ton mec, en ton homme. Ah oui, ça va aller. Alors ne t'en fais pas. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, c'est qui? Oui, Wallace. Oui, ça va te paraître un peu bizarre. Je m'appelle Lorenza. Et en fait, je t'appelle parce que j'ai eu ton numéro grâce à ton meilleur pote Martin. Ouais. Parce qu'en fait, je vais souvent au Far West, dans le carré. Et je t'ai rencontré, je t'ai vu au loin et je connais un peu Martin. Et donc, j'ai dit à Martin, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir le numéro du jeune homme et tout. Il m'a dit, ouais, il s'appelle Wallace, il est super sympa, machin. Vas-y, je te file son numéro et tout. Donc je fais le premier pas, je me dis qu'il ne tente rien à rien et j'ai décidé de t'appeler. Comme ça. Et t'es qui ? Lorenza, je suis pas de la région de Liège, mais je vais souvent à Liège des fois pour faire la fête. Et donc du coup, je me suis permis de t'appeler parce que je sais pas si t'es célibataire ou pas, mais voilà, je voulais faire ta connaissance. C'était où ? Au Far West, à Liège. Ah ouais. Tu vois bien. Ouais, je vois. Avec Martin. Ouais, c'est ça. Et donc, je sais pas si... Et pourquoi il t'a filé mon numéro? Parce que j'ai dit que je te trouvais super mignon et il m'a dit, on va... Enfin, je veux bien te passer son num, quoi. Et t'as pas dit que j'avais une copine? Ah non, ça, il m'a pas dit par contre. Je savais moi, j'ai une copine. Ah, mais. Je suis amoureux de ma copine. Ah, bah écoute, franchement, je suis super sympa. Enfin, je sais pas si tu m'as croisée, mais je suis une jolie brune. J'ai les yeux verts. Je suis assez bien foutue. Ouais. Et donc, je sais pas, peut-être que tu m'as croisée, j'avais mis une petite robe et tout, j'avais des cuissardes comme ça, enfin voilà. Et, je suis un peu perturbée parce que je savais pas que t'étais en couple. Mais bon, je t'avoue que, enfin, moi, ça me pose aucun souci, tu vois. Enfin, T'es pas la meuf avec les gros uns, là, avec la robe. J'ai vu une meuf avec des gros uns. Ouais, une robe rouge comme ça. Ouais, mais voilà. Ben voilà, c'était moi. Du podium et tout. Ouais, c'était moi. Mais voilà, c'est cool, tu m'as reconnue, donc je sais pas si je suis un peu à ton goût ou quoi. Donc je sais que t'es une copine et tout, mais je dois t'avouer, ça me dérange pas du tout, tu vois. Enfin, c'est vraiment, elle sera pas au courant c'était pour savoir si on pouvait. T'es une copine, parce que moi, je profite un peu de la vie, je vais un peu au jour le jour. Et t'es comme ça, toi. Bah oui, enfin, je me dis que la vie est courte, on est encore jeune, et enfin, j'ai 25 ans et j'ai envie de profiter de la vie. Et moi, quand je flash sur un gars, j'hésite pas, tu vois. Et je me dis, là, le feeling, j'ai vu que nos regards se sont croisés et tout. J'ai senti un petit feeling et je me suis dit, pourquoi pas l'appeler, quoi. J'étais bourré. Je suis à chaque fois bourré, moi. Enfin, ouais. Mais c'est pas grave, c'est normal. Ça veut dire que t'es un petit fêtard, tu vois. C'est pas ouais, on se connaît pas, je sais pas qui t'es. Mais moi, je suis amoureux de ma copine, tu vois. Alors, je peux te proposer un truc. J'ai ma copine. Non, mais un petit truc, peut-être même sans arrière-pensée, ou qu'on puisse se voir, tu vois. Elle ne le sera vraiment pas, je te promets, je te jure. Et on peut faire un truc chez moi même, ou même un truc où, en dehors de Liège, où elle ne pourra pas nous voir, tu vois. Et c'est vraiment juste. Liège, toi. Non, moi, je ne suis pas de Liège, mais je peux me déplacer. Ah, ok, comme ça. Ouais, mais c'est chaud, tout le monde se connaît, non? Enfin, c'est chaud, c'est... Ouais. Non, écoute, non, j'ai ma copine, écoute, franchement, C'est vraiment pas possible. J'étais bourré, je sais même pas comment... Ouais, je me rappelle vaguement, mais... Ah bah, ok, c'était... C'est... Enfin, tu l'as jamais trompé, en fait? Jamais? J'ai jamais trompé, non. Ma copine, ouais. Ouais, je te dis, je crois que c'est physiquement? Attends, parce que j'ai mon frère qui parle à côté de moi. Mais je te dis, c'est parce que je suis avec mon frère là. Il me parlait 2 secondes, mais je voulais te dire, moi j'étais la belle, enfin j'étais la brune comme t'as reconnu, tu vois. Ouais. Et franchement, elle sera pas au courant, je te le jure, quoi. Enfin, c'est vraiment, si tu veux, on peut se voir même une fois comme ça. Et si jamais ça te plaît, on peut se lancer ou quoi. Enfin, tu vois, je te mets pas la pression, quoi. Et tu te déplaces, quoi. Ouais, je peux me déplacer. Tu viens et après, tu dégages. Ouais, on peut faire ça comme ça. Ça me dérange pas, je suis assez cash aussi, je suis un peu comme toi, je suis assez direct. Donc moi, si tu veux, après je dégage et on se revoit plus jamais, quoi. Donc quoi, juste pour du cul, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un bien au cul. Ouais, je suis un peu une petite coquine, un peu. Moi, j'ai des exigences, hein. Je sais pas si t'as kiffé. Ouais, mais je te trouve super canon et c'est vraiment une attirance physique de ouf et je me dis, on peut une fois s'amuser, quoi. Ça sent pas en tout cas, mais moi j'ai ma copine donc c'est hyper chaud, quoi, tu vois. Je sais, t'arrêtes pas de me le dire et tout, donc ça commence vraiment à je commence un peu à me sentir rejetée, mais écoute, dis-moi, est-ce que ça te tente ou pas? On peut boire. Ouais, on peut boire juste un verre. Ok. On boit un verre et après on voit. Ok, après on voit. Ouais. Mais bon, j'ai ma copine, moi, tu vois. Ouais, mais elle le sera pas, elle le sera pas. Bah ouais, mais bon. J'ai failli te couper en plus tout à l'heure quand tout allait encore bien, quoi. Ouais. Ah, j'ai failli le couper quand tout allait encore bien. Merde. Allô. C'est quand même. Vas-y. Comment c'est? Wallace. Il a raccroché ou quoi? Wallace. Non, il est là. Salut Wallace. On va te passer quelqu'un, Wallace. Célia, vas-y. Quoi? Célia. Ma gueule. Quoi? Allô? C'est un gros con. Quoi? Célia? Voilà, c'est qui ma gueule ou quoi? Et c'est quoi, Pas tant qu'on est ensemble. Allô? Pas tant qu'on est ensemble, tu vois une fille au gros as, comme tu dis, parce que tu bourres la gueule dans le carré. Pas tant qu'on est ensemble, Parle bien devant ton téléphone, Célia. Ce serait dommage de passer à côté de cette engueulade. Mais qu'est-ce que tu fais là? Putain, espèce de gros connard, 5 ans, tu vis des projets, des enfants et tout ça, et dès que t'as la première qui te parle de elle. Attends, bébé. Non. Elle, après, c'est toi qui me demande des enfants et tout ça, c'est ta pote. Avec... C'est ta pote? Après, Qu'est-ce que tu fais là? Espèce de gros connard. Mais bébé, c'est une salope, elle m'appelle. C'est une salope, c'est direct, j'en prends cher à chaque fois. Non, mais voilà, attends, je t'explique. Voilà, on va t'expliquer. De quoi? Quoi? Voilà. Je veux plus te parler, c'est bon, c'est fini. Je m'appelle. Tu prends tes clics et tes je n'arrive pas à en placer une. Bon, bah voilà. Et Lorenza, tu te sens comment là? Tu te sens mal? C'est des conneries, tout ça. Non, mais ce n'est pas des conneries. Alors, je t'explique, Wallace. Je m'appelle Mike. La fille à qui tu as parlé s'appelle Lorenza, mais tu ne l'as pas du tout rencontrée dans le carré de Liège. C'est pas la fille aux gros boobs. Non. Voilà. En fait, c'est Célia, ta copine avec qui tu es depuis 5 ans. Vous êtes vraiment des bandes d'enfoirés, les gars. Ouais, c'est surtout elle qui a voulu tester ta fidélité. En plus, elle était assez sûre d'elle. Elle nous a dit c'est sûr, il va pas me tromper et tout, il va dire non. Bah écoute frérot, c'est toi l'enculé pour le coup là, on va pas te juger. Bah non, elle m'appelle et tout, je comprends pas là. Bah ouais, mais c'était pour voir si t'allais rentrer dedans ou pas, parce que Célia nous expliquait que tu voulais un gosse, qu'éventuellement. Non, enculé, non, c'est tout. Écoute. Monsieur m'a poli. En tout cas. Bébé, je vais t'appeler, attends, bouge pas. Lorenza, ouais, bah appelle-la, essaye de la reconquérir, fais ce que tu peux, mais Lorenza, on a vu que t'étais très très chaude. Hein. Lorenza était à deux doigts de supplier Wallace quoi. Et je voulais le tester à fond parce qu'elle avait dit ouais. Après les restos du cœur, on est sur la techa du cœur là, c'est chiant. Bon. Ils nous ont raccroché au nez tous les deux. Ah, tous les deux ils sont partis. Tous les deux ils sont partis. Ben, on a même pas eu le temps de dire Fun Radio et tout le tralala. Mais... Bon, bah, Célia, on va te rappeler. Ouais. Vu la réaction du mec, on aurait perdu un auditeur. Oui, je pense. Célia, on te rappelle, ma chérie. Aïe, Lorenza, tu te sens mal, j'espère. Bah, un petit peu, non, ouais. Bah, franchement, bravo. Ouais, mais en même temps, voilà. Time to play. I'm feeling good, I'm feeling great now. Baby, there's no need to fight. We the love that's in the air now. Come a little close, I know you're feeling what I'm saying. When I'm touching on your body real slow, slow. Taking the vibes, I can feel your vibrations. Your energy's out of control. Don't let go. When she grinding on me, girl, that ass I'ma squeeze. Time to play. Et Passez une bonne soirée tout le monde, merci d'avoir choisi Fun Radio. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. En direct avec vous tous et vous toutes, il est 22h47, merci de nous avoir choisis. Vous pouvez appeler au standard pour participer à l'émission. Cette antenne vous est ouverte chaque soir de 20h à 23h, c'est vraiment votre émission les amis. Vous nous appelez au 02 851 4x0. On espère qu'elle vous plaît hein, justement cette émission, on bosse dur franchement. Même si ça ne t'entend pas à l'antenne, c'est chez l'on bosse, bosse. Ouf. Donc j'espère que cette émission vous plaît. Et puis vous pouvez nous donner votre avis d'ailleurs sur l'émission hein, c'est le bienvenu. 3044 surtout sur le Facebook, Mike sur Fun Radio. Mon Alex, t'es là? Oui, je suis là, bonsoir tout le monde. Alex D, notre voyant qui est là comme chaque soir pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir professionnel et sentimental. Désolé pour le retard Alex, il est tard, on fait ça tard ce soir. On y va? On ne perd pas de temps du coup et écoute, on a mis les moyens. La voyance en direct, 02 851 4x0. Mike sur Fun Radio. Alex, il y a du monde pour toi. Oula, Romain est avec nous, salut Romain. Salut, ça va l'équipe? Ça va, Romain? Il y a un train qui t'est passé dessus quoi? Ils ont entendu un bout bizarre. Il y a une voiture qui est passée juste derrière moi, t'inquiète pas de soucis. T'es où là, mon Romain? T'es dans la rue? Ouais, ouais, là je suis dans la rue, ouais. Bon, t'avais une question à poser à Alex alors? Ouais, justement, ben je suis dans la rue aussi pour ça, parce que si tu veux, je cherche après mon chien, parce qu'il s'est enfui lundi chez moi. Et toi, tu te marres? J'ai su, aller parce que je me suis renseigné un petit peu partout, j'ai sonné à toutes les maisons et tout ça, j'ai posé des affiches, tout le bazar. Mais j'ai su en fait qu'il y a un gars avec un scooter qui s'est arrêté, qui l'a pris. Quoi? Et qui l'a mis dans son coffre de scooter. Ah merde, enfin. Dans son coffre de scooter? Mais, ouais. Mais c'est horrible. C'est quoi comme chien? C'est un petit chien? C'est un chihuahua. Ah oui, c'est un chihuahua. Et ça fait combien de temps ça? Il est même plus petit qu'un chat. Merde. Ben, ça s'est passé lundi soir. Et c'est dans quel coin, Romain? En Belgique? Allez, Moucron, c'est juste à côté de Moucron, quoi. D'accord, bah si vous nous écoutez, que vous avez vu un chihuahua, vas-y, décris-le, le chihuahua. Ouais, il est tout petit, il est plus petit qu'un chat, il y a 3 ans. Il est beige, très très clair, à long poil. C'est quoi son prénom? Maggie. D'accord. Et est-ce que le mec, t'as une description du mec aussi qui est parti en scooter avec le chat? Il est assez corpulent, avec un scooter foncé, un casque foncé, tout ça quoi. J'ai pas vu s'il était jeune ou plus âgé, je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un coffre derrière son dos quoi, sur le scooter. Ouais, ouais. Aïe. Bon, Alex... Ouais, ce qu'on est certain, c'est qu'il ressemble pas à Mike. Non, c'est pas Mike. C'est plutôt le cucu à la limite, mais non. Alex, alors est-ce qu'il va retrouver son chien ou pas? Oui. Est-ce que déjà il a eu un tatouage ou une puce? Ben justement, il y a tous les papiers. On allait faire la puce en plus cette semaine, mais trop tard quoi. D'accord, ok. Pense à ça et donne-moi 3 chiffres de 1 à 22, s'il te plaît, Romain. Le 4. Mm-hmm. Le 7 et le 19. Ok. Alors, pour moi, il n'y a pas de possibilité à le retrouver tout de suite. Par contre, il faudrait que tu aies des informations plus tard, où tu peux avoir des pistes. Mais très honnêtement, ça m'est difficile d'avoir une vision juste du fait de le retrouver ou de... Il y a un blocage par rapport à ça. Et je veux pas être pessimiste, mais je le sens isolé. Ou il y a, est-ce qu'il t'appartenait vraiment, ou est-ce qu'il appartenait avec la personne avec qui tu vivais, ou Ben ouais, elle m'appartenait à moi et mes parents quoi. Mmh. D'accord. Ah ouais, c'était ton chien. Et en plus, je venais d'avoir des chiots avec, et justement, j'avais 4 chiots. Tu as eu des chiots avec toi? Oula, mon Dieu. Oulala. Attends, ah oui, non, d'accord, c'est un chien. Oui, j'ai mal compris. Ouais. Alex. Ouais, mais c'était toi qui en étais vraiment le propriétaire, ou est-ce que c'est les parents C'était ma maman qui est la propriétaire. Mais bon, elle était. Voilà, parce que je sens pas vraiment que tu en sois le propriétaire, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'espoir sur le fait de pouvoir le retrouver, tu vois. Vous allez avoir des informations, mais les informations vont être peut-être soit trop floues, il y a quelque chose qui donne de la difficulté à le retrouver. Est-ce que tu sais peut-être à ce moment-là s'il est bien traité, Alex? Tu peux peut-être le rassurer sur ce point de vue, sur ce sujet-là, sur ce côté-là. Oui, pour moi, il est. Oui, c'est pas un chien qui. De toute façon, c'est pas le style de race de chien qui va devenir errant ou quoi que ce soit. Mais on dirait que dans la famille ou dans l'accueil, il a eu un bon accueil, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui fait que les propriétaires actuels ne veulent pas s'en séparer ou ne veulent pas le rendre. Donc ceux qui l'ont pris, c'est ça? Ça m'étonne pas, parce qu'elle était super sociable, elle bouge pas, elle vient pour des caresses et tout, donc... Ouais. Ouais. Bon. Bah écoute, mais, en tout cas, l'essentiel c'est que Alex, Alex a vu dans sa prédiction que qu'il allait bien, qu'il était dans une bonne famille. Tout, donc c'est une maigre consolation, je te l'accorde, mais au moins, bon, tu peux te reposer un peu là-dessus. On te souhaite plein de courage en tout cas et de force. Ouais, c'est dur. C'est pas facile, les amis. C'est un membre de la famille, bah oui, c'est clair. Bonne soirée, mec, en tout cas, tu reviens quand tu veux, Romain, dans l'émission, d'accord? Et on croise quand même les doigts pour toi, mec. Merci, mon pote, à bientôt. Merci à vous. Salut, salut. Bonne soirée à vous. Alex D. Bon, c'était court ce soir, mon Alex. Demain, on prendra un peu plus le temps, d'accord? Il n'y a pas de soucis. Merci à toi. Et puis je rappelle ta page Facebook, Alex D, coach de vie. On va vous mettre tous les liens comme d'habitude sur le Facebook. Merci Alex, bonne soirée. Gros bisous Alex. Merci, bonne soirée à vous tous. À demain. Mamie Simone ne va pas être contente. Il ne reste plus beaucoup de temps pour sa chronique. On va la retrouver dans quelques instants. C'est Radio Simone sur Fun Radio. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Tous les matins, réveillez-vous avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Demain matin, gagnez 9000 euros cash en envoyant dès maintenant Bruno par SMS au 6322. 1€ le message. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Jeudi sur Plug RTL, nouvelle série d'autant délicatesse. You're the worst. Salut toi. Vous êtes pas mal. Merci. Jimmy et Gretchen, deux jeunes célibataires cyniques et pas vraiment distingués, trouvent l'amour bien malgré eux. Tu ne comptes pas le revoir? Certainement pas. Du coup, j'ai volé ça. Excellent. You're the worst. Les deux premiers épisodes, jeudi à 21h55 sur Plug RTL. Plug RTL. Elle a pas pimé qu'est bazar.